Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! C'est à toi, Groby. Eh bien, nous y sommes. Eh bien, cette aventure de Metal Adventure commence exactement ici, hop, sur la carte, c'est-à-dire au niveau du système Exalia, système connu à travers toute la galaxie, déjà parce qu'il constitue à lui seul le symbole de l'Omni-Cartel Galactique, l'OCG, c'est-à-dire la gigantesque nation où tout est à vendre, vraiment tout. Puisque vous y avez été vendu. Vous y avez été vendu à une compagnie qui s'appelle Galactic Miners et qui investit dans de la masse de travail afin de creuser et de forer aux quatre coins de l'OCG pour extraire divers minerais et ressources. Quant à vous, vous vous trouvez sur la planète d'Aldena. Alors Aldena, c'est une planète assez merveilleuse où... Il neige de manière perpétuelle, il y a des tempêtes de glace, un vent plus que violent, et des conditions de vie bien évidemment très complexes, ce qui fait que la plupart des personnes n'habitent pas à l'extérieur mais sont en station ou sous le niveau du sol. Vous-même, vous êtes ici donc, puisque après avoir quitté votre ancienne vie, pour Never Again et Harold Devil Eye, vous avez été... malheureusement harponné par des équipes de mercenaires, compagnies de mercenaires, condamnés au niveau de l'OCG certainement pour un crime plus ou moins imaginaire, et envoyés directement en détention. Bart et Belette, quant à vous, eh bien, suite à une malencontreuse mésaventure lors de votre dernière action de piraterie, eh bien, vous avez été séparés de votre équipage du Kraken affamé, et vous aussi mis au fer avant d'être revendu. Puisque bien évidemment dans l'OCG, tout se paye, plutôt que de moisir dans une simple cellule, les détenus sont régulièrement loués ou vendus à des compagnies pour travailler. Et c'est ainsi donc que vous vous êtes retrouvé dans la station d'exploitation GMA2702 auprès de Galactic Miners, à travailler très dur pour extraire une sorte de cristal dont vous ne savez strictement pas à quoi il sert, il y a une espèce de couleur violacée. Vous êtes bien évidemment tous très beaux, très beaux, très belles avec votre verre de travail au logo de l'OCG. Et la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est simplement que vous vous êtes rencontrés. Donc vous avez compris que vous aviez quitté votre ancienne vie pour la même raison, devenir des pirates de l'espace. Vous en avez croisé des vrais et vous avez décidé tous les quatre de... très certainement quitter le moment venu cette satanée planète, et vous vous êtes juré de le faire ensemble. Mais pour l'instant, ça ne change rien au fait qu'il faut creuser. Et pour ce faire, je vais vous demander un test d'athlétisme, difficulté 3. Ah. Alors. Alors, tout simplement sur vos feuilles, hop, vous les ouvrez, vous cliquez sur athlétisme, le bouton. Voilà. Allez, super. Belette, 6 succès. Ouais, ça le buff, quoi. Attends, je suis costaud, moi. Alors. Super. Je m'essouffle, là. Exactement. La difficulté étant de 3, donc pour chaque succès loupé, vous subissez un dégât superficiel. Donc je vous laisserai cocher ça sur votre état de santé, puisque ça fatigue. D'ailleurs, le travail... est difficile, le stress, la fatigue, les accidents, tout ça commence à grandement user votre santé. Donc il y a de nombreuses galeries souterraines de la station, c'est là où vous extriez ce cristal à la pioche ou à la foreuse laser, et vous regardez autour de vous et vous voyez que dans votre groupe de prisonniers, qui est constitué d'une douzaine de détenus, il y en a la grande majorité qui supporte beaucoup moins bien les conditions de travail. Hein. Il y en a quelques-uns la semaine dernière qui sont morts de maladie liée au froid, ou passée à tabac par quelques joyeux mercenaires, qui doivent bien aussi s'occuper de ces longues journées à vous surveiller. Donc, voilà que le moral étant au plus bas, c'est pour cette raison que vous n'avez qu'un point de panache pour commencer cette aventure. Vous avez donc votre tenue de travailleur détaché, des petits gants, beaucoup trop fins pour vous protéger du froid. Si vous le souhaitez, un bonnet tout à fait inutile lui aussi. Et à l'heure actuelle, vous êtes en train de piocher de forêt. Si vous voulez bien, pour l'ensemble des auditrices et d'auditeurs, une petite description visuelle de votre personnage, à quoi ressemble-t-il ? Honneur aux dames, Never Again, à quoi ressemble ton personnage, s'il te plaît ? Alors, donc Never Again, donc, elle est rousse, donc 1m70, les yeux bleus, assez fine, donc c'est pour ça qu'elle a énormément de mal dans l'environnement actuel, hein, parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout, elle est pas du tout physique, donc, voilà l'essentiel. Merci. Harold. Alors Harold, tout comme son homologue, lui non plus n'a pas l'air bien costaud, hein, plutôt fin, un peu élancé. Il a une chevelure rousse et des yeux verrons qui se remarquent un peu, qui dénotent, et il a l'air de bien peiner là-dedans. Voilà. Allez, puisque on est toujours content d'avoir la belle musculature de Belette. À quoi est-ce que tu ressembles encore une fois, Gossed ? Alors, contrairement à ce que vous pouvez voir sur l'overlay, hein, je ne suis plus tout aussi élégant que je puis l'être avant d'arriver dans cette prison. Donc, évidemment, j'ai les cheveux, on va dire, mi-longs, attachés en queue de cheval, à une grosse, assez costaud, hein, je suis quoi, à peu près 1m90, des grosses épaules, donc imaginez avec cette tenue verte, voilà, je suis presque taillé pour miner, hein, finalement, je suis quelqu'un d'assez jovial, hein, le sourire, malgré tout, ce que j'ai connu par le passé, finalement, c'est rien ce qui m'arrive là. J'essaye de relativiser. Voilà. Et Barthes, à quoi ressembles-tu dans ces conditions ? Alors, Barthes le Noir est un grand gaillard, hein, un peu musclé quand même. Hein, voilà, assez bien bâti. Il est coiffé de dreads en fait. Il a des tatouages sur lui, hein, même si là, sont masqués par finalement ce. Cet habit très moche, hein, de travail, hein. C'est quelqu'un de très charismatique et éloquent en fait, hein. Et ça se remarque très rapidement. Et là, ces derniers temps, c'est vrai qu'il s'en est pris plein la gueule parce que à chaque fois, il a tendance à se rebeller. Et il est avec sa pioche en fait. Hein, et Belette, je pense qu'il a essayé un peu de le calmer parce que voilà, je suis tout le temps en train d'être contre les gardes et ainsi de suite, et du coup, je me fais régulièrement molester. Super. Écoutez, vous continuez à extraire ce fichu cristal sous la surveillance des mercenaires. Un courant d'air complètement glacial vous fait frissonner dans votre morceau de mine. Écoutez, voilà, vous commencez à avoir de belles ampoules pour ceux qui manient la pioche, pour les autres de sacrées crampes à force de tenir vos foreuses. Et à côté de vous, d'autres prisonniers qui continuent à tousser, parfois jusqu'à cracher du sang, hein, sûrement une nouvelle infection pulmonaire. Mais bon, comme vous le savez, l'OCG n'est pas connu pour distribuer des crédits à tout va, donc tant qu'il n'est pas question de couper une tête, pourquoi faire venir un médecin ? Et puis de toute façon, vous êtes des bagnards, donc vous avez bien mérité votre place ici. Donc voilà, vous êtes là. Ça fait déjà, pour les plus récents d'entre vous, 15 jours que vous êtes là. Et l'OCG vous a dit, lors de votre arrivée, que vous devrez rester aminé ici pendant plusieurs années. Chose qui, bien évidemment, pour tout aventurier et pirate en devenir qui se respecte, n'est certainement pas possible. Alors, que faites-vous alors que vous êtes en train de piocher ? Alors moi, j'essaie toujours d'avoir un œil sur les gardes et tout ça, toujours essayer de trouver une ouverture, hein, parce que voilà, je suis pris de liberté et je veux absolument la retrouver. Et donc toujours sur les qui-vivent, hein, pour essayer de trouver une faille à un moment pour dire de, bah, de pouvoir déclencher une émeute, hein, et s'enfuir. Bah écoute, Bart, tu continues à observer un petit peu tes compagnons d'infortune. Hormis, effectivement, Bullet, Harold et Never, vous êtes entourés par, en grande partie, des salarymen. Donc des personnes qui sont relativement modestes, qui sont très certainement été envoyées ici pour des crimes aussi imaginaires, parce qu'ils ont déplu à un supérieur hiérarchique ou quelque chose, ou qui se sont fait écarter pour ne pas choper une promotion à la place de quelqu'un d'autre. Le fait est que dans le deuxième groupe de prisonniers, il y a peut-être certains bagnards plus à l'aise ou plus compétents s'il devait y avoir une révolte. Et après, en fait, compte, on fait quoi ? On fait des quarts, en fait, entre les différents prisonniers, c'est ça ? Exactement. Alors, comment ça se passe, la vie dans la station, d'Aldena. Donc, l'horaire, hein, le cadre horaire, c'est le cadre horaire classique au niveau de l'OCG. Donc, on est à 25 heures par jour. Et donc, c'est plutôt bien, puisque vous avez, par mine, vous avez deux groupes de prisonniers, en tout cas par niveau de mine. Donc, le groupe A et le groupe B, vous faites partie du groupe A. Vous comptez, grosso modo, à peu près 12 prisonniers, ce qui fait qu'au total, en termes de bagnards, vous avez à peu près 25. Donc chaque groupe va aller au turbin pendant 10 heures. Il y a une pause au bout de 5 heures pour aller manger. Donc c'est une prison, encore une fois, économe. On est à l'OCG, on est sur la performance, sur faire des économies, travailler plus pour gagner moins. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que les bagnards, il y en a une partie qui vont en cuisine pour préparer la popote. Les autres au réfectoire vont manger. Une fois que votre groupe, au bout de 5 heures, il a pris sa pause, c'est une demi-heure. Hein, donc, il faut être rapide, hein, faut l'efficacité, les gars. Donc, au bout d'une demi-heure, vous repartez bosser pendant 5 heures de plus. Vous avez fait votre quart de 10 heures. À partir de là, hop, vous êtes renvoyé dans vos dortoirs où vous avez à peu près 10 heures de repos. Donc, pendant ce temps-là, c'est le groupe B qui va bosser. Quand le groupe B revient au bout de ces 10 heures, on fait un comparatif des écarts de production. Et le groupe qui a le moins bien bossé des deux repart bosser 5 heures bonus. Voilà. Et une nouvelle journée s'enchaîne comme ça. Ok, donc des jours de 25 heures. Exactement. On a pris combien d'années, rappelle-moi, j'ai oublié. Je sais pas, vous avez dû prendre... je pense que les deux premiers, vu qu'il y en a qui s'est fait choper dans un cargo de transport alors qu'il devait pas y être, l'autre... Pour quelque chose de similaire, ils ont dû prendre une trentaine d'années dans l'OCG. Et vous deux, en tant que pirate, vous avez pris perpète. Ah merde. Le temps de savoir ce qu'on fait de vous. Donc c'est transitoire. Vous allez partir dans un endroit encore plus inhospitalier. Mais pour l'instant, vous êtes là. Ah merde. Ok. Voilà. Donc finalement, le meilleur moment pour déclencher une émeute, c'est quand il y a le changement de quart. Oui, c'est le moment où vous allez vous croiser avec tout le monde. Sinon, il y a aussi les postes pendant le réfectoire, puisque c'est le moment où tout votre groupe va être rassemblé à un endroit. Sinon, vous êtes dans diverses galeries. Donc, vous êtes proche, hein, mais il y a des petits boyaux, en fait. Et donc, la douzaine de prisonniers que vous êtes sont répartis. Elle est répartie, la douzaine, sur 2-3 boyaux. Donc, vous êtes 4-5 par boyau à miner. Ok. Alors. Je pense que ce qu'on a peut-être essayé de faire, c'est essayer de communiquer justement avec le groupe B en se laissant des messages, alors peut-être via Nevergen, vu qu'elle, elle bosse plutôt qu'en tant qu'ingénieur, hein, j'ai bien compris, donc à réparer les foreuses. Donc laisser des messages à l'autre ingénieur côté groupe B pour essayer de communiquer entre nous. Et du coup, mieux préparer une éventuelle révolte. Quel type de message est-ce que tu as essayé de déposer et comment est-ce que vous y êtes pris ? Moi, je propose, par exemple, on peut dire dans les foreuses, j'imagine qu'il y a une maintenance au début de chaque quart. Donc, à la fin de notre quart, on dépose un message dans le compartiment à l'intérieur de la foreuse. Et quand l'ingénieur va regarder à l'intérieur pour vérifier que tout est en place, il pourra avoir accès au message. Peut-être le mieux pour essayer d'éviter la vigilance des gardes. Ok, alors, très bien. Donc, comme vous n'avez pas de papier, la question étant, donc j'imagine que que vous avez déchiré des petits morceaux de tissu de vos petits vêtements. Sinon, ça peut être des petits morceaux de cailloux. Mais quel message très succinct, parce que vous n'avez pas de quoi écrire un roman. Qu'est-ce que vous avez pu laisser depuis les quelques semaines dans les échanges que vous avez eus? Vous avez eu une réponse, bien évidemment, du groupe B. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Bah, je pense que dans un premier temps, on s'est quéri en fin de compte d'eux. Finalement, on fait que les croiser. Et puis voir qui était prêt ben, à faire une émeute. Hein, et donc, par la suite, voir en fait que ben, le meilleur moment, c'est peut-être au moment du changement de poste. Surtout que après, au moment du changement de poste, il y a une équipe qui est fraîche. Qui sort de 10 heures de repos. Ok. Bah écoute, dans le groupe B, en vous croisant, il y a peut-être 3-4, un groupe similaire au vôtre, à peu près 3-4, qui semblaient un peu plus virulents, plus costauds que les autres, et qui ont eu l'occasion de vous adresser peut-être quelques regards, alors que vous avez pu interpréter ou comme menaçant, ou comme, on va dire, ascendant. Dans les foreuses, donc avec quelques billets de système électrique, quelques morceaux de tissu, donc par quelques mots, vous avez compris que le groupe B, le message qu'il y a eu, c'est émeute. La réponse a été OK. Après, ils vous ont demandé quand. Et c'est la dernière chose, c'est eux qui vous ont posé la question. Et vous n'avez pas encore eu l'occasion de répondre. Et d'ailleurs, alors que vous êtes en train de piocher, malheureusement pour vous, vous entendez une très grosse sirène résonner tout autour de vous. Et dans les haut-parleurs de la station, vous entendez les messages suivants. Attention à tout le personnel. Une tempête de force 8 atteindra notre mine aujourd'hui à 17h, heure locale. Le protocole de sûreté météorologique est d'ores et déjà mis en place. Attention à tout le personnel. Une tempête de force 8 atteindra notre mine aujourd'hui à 17h, heure locale. Le protocole de sûreté météorologique, etc., etc. Et le message va se répéter comme ça à peu près 3 fois. Les mercenaires qui sont avec vous, donc il y a toujours 2 mercenaires avec vous, pas plus. Donc il y en a 2 avec les groupes. S'échangent un regard. Ils tirent la gueule, quoi. Ils soufflent, hein, ils font une grimace. Vous voyez après qu'ils continuent à vous surveiller. Donc il y a 6 mercenaires à chaque fois dans l'étage en permanence. Donc il y en a toujours 2 avec le groupe qui bosse, 2 qui dorment et 2 qui sont dans la salle des gardes. Donc la salle des gardes, il y a un petit poste de contrôle puisque bien évidemment, comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est, la mine elle est construite autour d'un couloir. Donc il y a l'ascenseur par lequel vous êtes arrivé, un espèce de gros mont de charge. Il y a quelques caméras qui sont positionnées de manière stratégique pour pouvoir observer un petit peu toutes les salles. Donc le dortoir qui est divisé en deux parties après. Le réfectoire, la cuisine, donc la salle des gardes, l'entrepôt, c'est là où tout le matériel va être mis. Et sur le sol, donc il y a la galerie et les galeries de cristal. Et qui rejoint les galeries de cristal à l'ascenseur, au milieu du sol, il y a un énorme rail, puisqu'on peut faire passer des espèces de gros chariots de manière plus facile quand ils sont pleins de minerais. Les chariots sont montés au mont de charge. Par contre, vous ne quittez jamais cet étage-là. L'étage supérieur, c'est là où vous êtes entré, là, l'entrée du bunker, hein, de la mine. Vous souvenez brièvement, pour ceux qui avaient les idées plus ou moins claires, c'est un espèce de grand hangar où il y a uniquement l'entreposage de tout un tas de conteneurs au format OCG, hein, donc c'est des conteneurs octogonaux. Et donc il y a une salle de contrôle, une grue, un treuil de grue, mais qui est fixé à un rail en hauteur avec une mécanique de semi-auto. Et la porte d'entrée est souvent des véhicules de chargement. Voilà. Et bien sûr des mécaniciens et tout un tas d'autres personnels de maintenance. Les étages inférieurs, vous ne savez pas ce qu'il y a puisque vous n'êtes jamais descendu en dessous de votre étage. Vous êtes au niveau moins 1, qui est, vous imaginez, à plusieurs dizaines de mètres en dessous du niveau de la surface. Donc, messieurs, ce message a retenti. Et les mercenaires ont tiré la tronche. Alors, au moment où on a ce message, du coup, nous, on se trouve où exactement? Enfin, on est à quel endroit? Parce que vous êtes dans une galerie, tous les quatre, dans un boyau, en train de creuser. Donc, vous êtes tous les quatre ensemble dans votre galerie. Quand vous regardez, il y a un mercenaire qui est un petit peu à l'arrière, à l'entrée de la galerie, puisque c'est là où les boyaux se divisent. Et comme ça, en fait, ils sont tous les deux aux entrées, avec eux, leur équipement, c'est-à-dire ils sont équipés avec un gilet, un fusil laser. Comme ça, ils ont la vue sur les trois boyaux où ils ont réparti donc trois groupes. Ils vont répartir. Donc, vous êtes 12, hein, donc vous êtes tous les quatre. Il y a deux autres groupes de quatre. Et comme ça, s'il y a quelqu'un qui commence à chipoter, une rafale bien sentie, puis c'est terminé, quoi. Et on sait que on sait à l'heure où est censé arriver cette tempête, où on sera à ce moment-là. On sera toujours en train de creuser ou dans le planning, quoi. Alors, dans le planning, vous, votre journée a commencé, votre journée de travail, c'était 6h du mat. Donc là, il y a quand même quelques heures qui se sont écoulées. Donc vous allez bientôt partir en post-déjeuner. Théoriquement, la tempête devrait arriver juste après votre fin de journée de travail. Juste après, d'accord. Ouais. Donc vous serez dans les dortoirs prisonniers bloqués pendant que le groupe B sera en train de bosser. Ce genre de tempête, on sait combien de temps ça peut durer. On a déjà eu des trucs comme ça depuis qu'on est là. Alors, vous pouvez faire un test pour celles et ceux qui disposent de cette compétence de science stellaire, difficulté 2. Ouais. Je pense pas être aussi calé. Moi, j'ai pas de points dedans, donc. S'il y a pas de points, il y a pas de points. Sauf si c'est une compétence ouverte. Hop, si elle est ouverte, tu peux, mais si elle est fermée, c'est pas possible. Bon, on a Harold. Science stellaire, c'est fermé. Ok. Mais Harold va avoir l'info. Donc, de par quelques voyages et certainement des planètes de serre de ta nation d'origine, Harold, donc les tempêtes de neige, ou en tout cas les grosses tempêtes comme ça, tu as déjà été eu de l'information, notamment en termes de voyage, parce qu'il me semble que dans ta jeunesse, tu avais fait un voyage de loisirs avec d'autres membres de ta famille et tu avais été contraint malheureusement de ne pas participer à certaines activités à cause de la tempête. Alors qu'est-ce que ça implique concrètement de plus utile pour vous? Bon, déjà, c'est un bordel sans nom à l'extérieur, donc tout le monde est bloqué au sol parce que c'est beaucoup trop dangereux. Il faudrait être fou pour oser prendre un véhicule pour se balader en pleine tempête, numéro 1. Et numéro 2, forcément, ça brouille toutes les communications. Donc tout le monde est complètement isolé pendant le temps de la tempête. Donc c'est coupé généralement un petit peu avant, et les communications sont rouvertes dès que la tempête se termine. Bon, on les coupe généralement avant pour éviter que les systèmes, y ait des surchauffes, des surtensions, et de les faire péter, doivent faire des réparations. Donc il est très fort possible qu'en milieu d'après-midi, déjà, ils coupent les communications, genre une heure avant la tempête. Une heure c'est pas mal, ça. Ouais, mais le groupe B sera pas au courant. Il n'y a pas d'autres choses qui sont faites au niveau des prisonniers et autres, quoi. On travaille normalement, ça ne change rien à notre train quotidien, le fait qu'il y ait la tempête. Tu n'auras pas de RTT. Oh, non, mais du coup, ils peuvent pas appeler de renfort ou autre. Oh non, on se démerder tout seul si on veut utiliser la tempête pour nous échapper. Non, mais pas nous, des renforts, mais eux peuvent pas en appeler. C'est notre avantage. C'est ça. Oui. Et combien de temps elle peut durer la tempête, pardon, j'ai pas. Oh bah ça. Roll, je sais pas si tu sais ça. Combien de temps ça peut. Est-ce que ça peut durer une dizaine d'heures? Oui, ça, c'est possible. Il y a juste dit que c'était une tempête de force 8, donc c'est excessivement puissant. Après, ils ont pas dit combien de temps elle allait durer. Donc ce qui est sûr, c'est que avec tout ce qui est véhicule classique de transport aérien, comme Atmo 412. Qui sont utilisés ici, généralement on se balade pas là-dedans. Un vaisseau spatial, c'est autrement plus puissant. Donc si il y a un vaisseau spatial qui devait quitter Aldena ou venir en pleine tempête, ce serait possible, ça y a pas de problématique. Oh, on improvisera, hein, je veux dire. C'est ce qu'on a toujours fait de toute façon. c'est ça. C'est notre marque de fabrique, ça. Moi personnellement, de toute façon, j'ai pas prévu de rester là toute ma vie, donc voilà. Bah du coup, à un moment, quand je vais chercher de l'eau, tu vois, au niveau justement de là où Never Again fait sa maintenance, hein, je vais glisser de laisser un message que après leur quart du groupe B, émeute. Voilà. Donc. Oui, justement, la maintenance, je la fais dans les couloirs, dans les galeries, ou je la fais dans l'entrepôt, ou j'ai un endroit. Tu bosses comme tout le monde. En fait, tu bosses comme tout le monde, c'est juste qu'avant de partir travailler, il y a souvent les bagnards les plus doués en mécanique Ils ont charge à vérifier le matériel au niveau de l'entrepôt. Donc vous rentrez dans l'entrepôt pour prendre votre matos et le déposer. Sous les yeux, bien évidemment, des mercenaires. Mais comme vous êtes encore une fois une douzaine, il suffit que tu te mettes accroupi pour vérifier une ou deux foreuses et que tu planques le mont, on va dire, toujours dans la même foreuse sur laquelle vous avez fait une entaille ou un truc pour la reconnaître. Et ça, c'est bon, quoi. Ah bah c'est... Je pense qu'il y a plus de foreuses qu'il n'y a de prisonniers. Il faut être économe. Soit on utilise les mêmes foreuses à regrouper. Exactement. Il y a une quinzaine d'éléments matériels. Donc il doit y avoir, je sais pas, il doit y avoir 6 foreuses et 8 pioches, quoi. Alors du coup, il faudrait peut-être, même s'ils sont pas au courant, qu'on déclenche l'émeute à la fin de notre gare, comme ça tu peux peut-être trafiquer une ou deux foreuses pour... Ah oui, je voulais savoir s'il y avait moyen, parce qu'il y a quand même une pile à combustible dedans, est-ce qu'il y a moyen de la mettre en surchauffe ou de faire quelque chose de... Quelqu'un d'aussi talentueux que toi, très certainement. Il te faudrait un peu de temps pour la démonter, ou en tout cas l'ouvrir, et tu pourras en extraire tout un tas d'éléments technologiques. Peut-être même que tu pourrais reconstituer un petit boîtier pour te permettre, par exemple, parce que comme on est sur une station, effectivement, bunker souterraine, il y a des caches avec des accès à l'électronique de toute la station, après. Hein. De votre niveau, de l'électricité, de l'aération, etc. Mais il faut pouvoir, effectivement, le court-circuiter, et pour ça, il te faut des instruments électroniques. Et peut-être que, si tu as un peu de temps, tu peux tout démonter et te bricoler quelque chose. Et avec la pile, tu dois pouvoir faire un explosif, bien évidemment. Ok, ça peut être intéressant. Ouais, donc, du coup, ouais, je vais... Au moment où je vais boire, tu vois, à côté de Never, je fais ouais, bon bah voilà, je lui dis de voir ce qu'elle peut faire avec les foreuses. Et si t'as besoin d'une diversion, faut me le dire, je lui apporterai. Donc je peux. Voilà, ça va me prendre du temps. Il faut que, avec la pile, oui, je peux l'extraire et la mettre en surcharge pour que ça crée une sorte de d'explosion, pas énorme, mais bon, qui pourrait déstabiliser. Et après, ça me prendra plus de temps, et récupérer le reste des circuits électroniques et pouvoir avoir accès au système de la base, quoi. Enfin, mais bon, ça me prendra beaucoup plus de temps, quoi. Je pourrais pas le faire avec les gardes à côté et autres, quoi. Mais il y a peut-être moyen, oui. Ouais. Déjà, faire une explosion, ouais. Ce sera un bon signal pour dire que... qu'on lance la rébellion. On est tous dans la même galerie, donc est-ce que je peux être caché un peu, dire que moi je suis un peu plus loin, on voit pas trop parce que je suis plus dans le fond de la galerie, il y aurait moyen de... Tu peux t'éloigner un petit peu avec ta foreuse, bien évidemment, mais cependant, allez, remettez-vous au boulot. Vous avez un petit mercenaire qui vous demande, qui vous fait une petite injonction pour un petit test d'athlétisme. Donc rebelote. Allez, athlète difficulté 3. Donc tous les succès manquants sont un point de dégâts superficiel. Donc vous continuez à monter votre fatigue et votre stress. Bon, il y a deux dégâts pour Harold, deux pour Bart. Ouais. Et parfait pour Pellette et Never, tout va bien. Il est 11h à peu près, donc vous n'allez plus tarder à manger. Tu t'es éloigné et tu peux, dans un coin, écoute, commencer à essayer de démonter tout ça. Tu peux faire, s'il te plaît, un test de technologie. Technologie. Ce sera difficulté 3 aussi. C'est caché où ça, technologie? Ingénierie peut-être, non, je sais pas. C'est dans agilité. Mmh. Ah oui, tout en bas d'agilité. Ouais. Voilà. Okay. Puisque c'est du maniement un peu fin, habileté. Oh, super. Trois succès. Ouais. Alors, tu as le choix. Tu peux, donc comme tu as démonté un petit peu le... Tu as commencé à démonter le cache à regarder. Donc, où tu peux récupérer des instruments électroniques rudimentaires. Donc, ce qui te permettra notamment de faire tout un tas de tests qui demandent, comme pirater des systèmes, ce genre de petites choses. Donc comme c'est rudimentaire, ça reste un petit peu pourri, hein, donc ça sera un peu plus difficile de le faire, mais tu pourras en tout cas te permettre de le faire. Ou bien, si tu veux aller plus loin, tu peux faire un test d'ingénierie difficulté 3, ce qui va te permettre de faire surchauffer la pile. Cependant, si tu fais surchauffer la petite pile atomique de la foreuse, elle va forcément péter dans pas longtemps. Donc du moment où tu fais ça, après, il faut la balancer quelque part. Ouais. C'est peut-être un peu trop tôt, là. Un peu tôt. Voilà. Donc, mais je pourrais toujours aller récupérer... De toute façon, ils sont pas capables de savoir qui a quelle foreuse, quoi. On peut s'échanger des foreuses, et je pourrais faire la même chose sur une autre foreuse au moment, clé et la filer à bas. Par exemple. Donc moi j'ai pas de foreuse, parce que moi j'ai une pioche, parce que oui. Je suis tellement rebellé, je pense qu'il me laisse pas de il me laisse travailler à la pioche, mais j'imagine que Belette et Harold en ont peut-être une. Ça marche. Bah, alors, je vais me contenter pour le moment de récupérer tous les composants électroniques nécessaires à un piratage ultérieur. Allez. Et je vais dire à mes petits copains que bah il me faudra une deuxième foreuse. Alors par contre on est d'accord que la foreuse elle sera plus utilisable. Non. Après la pause, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que là t'as enlevé une partie des instruments. Donc, tu peux toujours, toi, faire surchauffer la pile, hein, si t'as envie, avec celle-ci. Voilà. Mais par contre, elle peut plus servir à forer. Donc là, elle est voilà. Défectueuse. Donc, okay, ça marche. Bon, on va faire ça pour le moment. Ça me permettra de... Et là, en salle de pause, on est surveillé, hein, je suppose. Exactement. Puisque le temps a continué à filer, ça va être l'heure d'aller grailler. D'aller au graillon, d'aller préparer la popote. Donc vous allez être gentiment éconduit avec tout votre groupe en direction du couloir. Donc l'intérieur de la prison est bien évidemment excessivement accueillante, avec des couleurs chatoyantes, il fait bon vivre, le chauffage est bien mis. Donc c'est totalement faux, bien évidemment. On va vous ramener... tout doucement au niveau de l'entrepôt pour que vous déposiez votre matériel donc avec le groupe. Donc tout le monde va déposer son matériel. Bien évidemment, ceux qui sont à charge de faire la maintenance, de vérifier le bon usage, le font. Donc autant dire que si pour toi, Never, ta foreuse marche très bien, t'as juste à dire qu'elle marche très bien. D'ailleurs, tu la laisses en fait de son côté. Voilà. Donc tu la poses sur une étagère non loin de l'entrée. Donc une fois que vous avez déposé vos équipements, vous êtes amené au réfectoire. Donc on va juste vous y positionner grossièrement avec les gardes. Et donc là, il y a une partie du groupe qui est envoyée aux cuisines pour préparer la popote. Pendant que l'autre commence à installer, commence à boire, commence à nettoyer un petit peu le réfectoire du dernier usage. Et très rapidement, vous allez vous retrouver assis en train de manger un espèce de gruau, une espèce de pâte, un gruau complètement dégueu. Bon voilà, c'est pas ouf, mais ça remplit un homme. On est d'accord que ce que j'ai récupéré, j'ai pu le mettre dans une des poches. Hein. J'ai vu que sur la combinaison, il y avait plus de poches et tout, donc j'ai accès. Tes instruments, tu les as gardés avec toi. C'est juste la foreuse, donc tu pourras pas la faire péter puisque la foreuse, elle est dans l'entrée. Ah non, okay. Donc si je vais en cuisine, j'ai peut-être accès à quelque chose pendant qu'on est en train de... Oui, tout à fait. De préparer à manger au cas où, voir si on a accès à quelque chose. Par contre, il faudra peut-être une diversion ou quelque chose, histoire que les gardes... Enfin, je ne sais pas si les gardes nous surveillent quand on est en cuisine, ou pas spécialement. Non. Ouais, ils ont l'habitude, ça fait qu'à un moment que vous êtes là, il ne s'est jamais rien passé, ils sont à l'entrée de la salle pour vérifier. De temps en temps, il y en a un qui vient jeter un œil au niveau du passe-plat pour vérifier que ça se passe bien. Mais généralement, ils restent à côté avec leurs armes bien en main pendant que les gens s'installent et se préparent. Ok. Alors, dis-moi. On t'écoute... Never. J'ai accès à quoi dans la cuisine, au niveau interface et tout? J'ai accès à quelque chose de... À quel réseau de communication? Tu vas avoir un cache, tout simplement, avec plusieurs... tu peux causer une avarie, en fait, directement, depuis un relais énergétique. Donc dans la cuisine, il y en a, puisque vous allez faire chauffer la nourriture à partir d'ici. Tu peux démonter avec tes petits ustensiles le cache, et bah, comme ça tu peux après saboter de manière utile un peu tout ce que tu as envie, parce qu'avec tes talents il te suffit d'un accès au réseau pour aller sur n'importe quel système. Oui. Même si ça va être un peu plus difficile. Donc comme tes ustensiles, tes instruments sont rudimentaires, donc c'est vraiment un truc fait à l'arrache, bricolé, tu vas subir donc E2F majeur, donc ça veut dire essayer encore une fois sur tous tes succès. Donc en fait tu es obligé de revalider tes réussites pour qu'elle soit maintenue. Ok. Donc, sur quoi on joue? La lumière? ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a des accès Est-ce que je pourrais avoir accès à... Les prisonniers du groupe A, ils sont enfermés dans leur dortoir. Est-ce que j'ai possibilité de leur donner, de forcer l'ouverture des portes ou des choses comme ça, et à la rigueur de bloquer l'ouverture des portes des dortoirs, des gardes ou des choses comme ça? Enfin, c'est peut-être beaucoup. Alors là, tu vas au niveau des portes en elles-mêmes, pour Ouais. les débloquer, il faudra aller sur la cache directement de la serrure de la porte. Ça, tu pourras le faire. Là, tu vas avoir accès à, par exemple, comme tu dis, la lumière. Tu as Lumière. l'accès à la réseau lumière, celui-là n'est pas protégé. Tu vas avoir aussi notamment tout ce qui est lié à la température, puisqu'il y a les fours, donc tu vas y avoir accès aussi. D'accord. L'aération, peut-être pour couper la ventilation aussi, tu vas y avoir accès. Un petit Ce peu. genre de choses, voilà. D'accord. Par contre, ça va avoir un effet sur tout le niveau. Je peux pas dire je vais Oui, couper le je truc vais que dans couper le... Voilà. les lumières, etc. Et tout. Est-ce que je pourrais aussi, à la rigueur, créer une surtension au niveau de la cuisine pour créer, je sais pas, un feu ou quelque chose qui se déclencherait, mais pas forcément tout de suite, mais avec un délai pour faire une diversion, pour... Ouais, tu peux faire quelque chose comme ça. Ouais. Tu peux faire péter un espèce de four ou un truc comme ça et voir ce qui se passe après. Ok. Est-ce qu'on est d'accord qu'on avait dit que c'était que c'est... Donc combien de temps on voulait faire la diversion? C'est au moment où on changerait de... Dans 5 heures. Dans 5 heures. Ok. Bah, tu as 2 minutes d'heure sur les fours, tu peux très Sur bien. les fours, ces fours, j'ai aucun souci. Je peux les faire sauter, on va dire, au bout de 4 h 30, histoire d'attirer les gardes. Pourrait donner du temps au niveau de la lumière et tout. De toute façon, bah, pour le moment, ça va pas nous donner, à moins que je puisse minuter aussi toutes les modifs que je peux faire, que je puisse faire Tu peux en minuter une seule. Après, une ça va seule. être trop complexe. Déjà, il faut que tu Ah arrives à oui, le tout faire avec ton test. à fait. La plupart des bannières commencent à s'attabler. Donc D'accord. vous êtes au total, hein, il y a une douzaine. Vous êtes 12 bannières au total, en vous comptant à l'intérieur. Donc il y en a 4 qui sont dans les cuisines. Donc avec toi, Never, t'es dans les cuisines. Tous les autres sont dans le réfectoire. Et ils ont commencé donc à aller vers le passe-plat pour récupérer la gamelle. Les mercenaires, quant à eux, continue à vous observer d'un œil plus stressé que d'habitude avec la tempête qui approche. Effectivement, c'est peut-être le moment ou jamais. Peut-être qu'il est bon d'attendre 5 heures de plus, comme peut-être que c'est l'occasion de faire quelque chose et de surprendre la montre. Il va falloir prendre une décision. À toi de voir, là t'es seul, hein, donc on peut pas vraiment Toc, toc, toc, toc. Non, il faudrait qu'on puisse avoir les autres. Non, je pense que je vais minuter une explosion, enfin une sorte d'explosion des fours, donc juste au moment de la relève pour qu'il y ait pour qu'on ait ben, un petit peu avant la relève, parce que je suppose que quand il y a la relève des gardes en même temps qu'il y a la relève des groupes de prisonniers, on est d'accord? Exactement, c'est que là vous avez juste deux gardes avec vous. Il y en a deux qui se reposent, deux qui sont dans la salle de surveillance. Quand il y a les mouvements, bien évidemment, vous n'avez pas que deux gardes dans les couloirs. Ils se retrouvent toujours à quatre pour les deux groupes. Et le temps de faire le quart, des fois même ceux qui sont en train de dormir, bah, vu qu'ils vont se réveiller, ils vont passer en salle de garde, etc. etc. Des fois vous vous retrouvez avec les six gardes en même temps. D'accord. En Peut-être tout, pas il y a six forcément. gardes, c'est ça? Au total, oui. Vous les avez sur la carte, en bas positionné. Ouais, donc ces cas-là, 6 gardes, ça fait peut-être beaucoup. De toute façon, je pourrais toujours ouvrir les portes ultérieurement. Le temps que je remodifie les tons derrière et tout. Non, je vais faire sauter 1 heure après qu'on ait 1 heure après qu'on ait mangé. Ça me laissera le temps de trafiquer une autre foreuse. On aura 2 foreuses qui seront sensiblement possibles au niveau explosion. Et 1 heure, c'est pas plus, parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que ma foreuse, elle fonctionne plus, quoi, au bout d'un moment. Ah oui. Donc on fait que ça. Donc je dirais une demi-heure, 3 quarts d'heure après qu'on ait fini de manger. L'incendie va se déclarer, ça me laissera le temps de trafiquer la deuxième foreuse. Voilà, je fais ça. J'essaie de faire ça. Donc une demi-heure après, ce qui veut dire que vous serez retourné dans les galeries. Voilà. Et donc il y a un feu, c'est ça, où en fait il y a une avarie, enfin, qui va se Voilà. Ouais. déclencher. En Et cuisine. donc il y a les deux gardes qui vont être avec vous et l'objet, c'est d'attirer les gardes qui sont ou dans la salle des gardes et au repos. Voilà, c'est ça, de ouais. voir s'ils peuvent se. Je pense que c'est. De toute façon, il y aura. Il y aura toujours les deux. Enfin, au pire, une fois que t'as mis hors d'état les deux gardes qui nous suivent, il y a toujours quand même le groupe B qui doit être surveillé malgré tout, au moins par deux gardes. Donc ça veut dire qu'on n'aura jamais les quatre qui vont venir d'un coup, quoi. Parce qu'il n'y a pas que nous, quoi. Bien sûr. Après, s'ils sont dans leur dortoir, ouais. On n'a pas besoin de les surveiller une fois qu'ils sont enfermés. Ouais. Faut peut-être attendre si que les communications soient coupées pour agir, hein, parce que. Là, c'est quoi, 17h? Non, 16h. 17h. La tempête arrive à 17h, donc idéalement, ça sera coupé avant, en amont. Pour vous, l'idéal, ce serait quand même d'arriver à mettre les voiles un peu avant 17h pour éviter d'avoir à sortir au plein milieu de la tempête. Ouais, c'est ça. À la limite, donc, juste avant. Là, il est quelle heure quand on mange? Là, il est midi. D'ailleurs, là, il est midi 20. Dans 10 minutes, ça va être la fin. Donc, ça va être la fin de votre pause. Prends une décision. Allez, ou bien vous restez là, ou si tu veux déclencher... Non, une heure. Midi 20, 13h, midi et demi, 13h, 13h30, 14h. Ouais, vers 14h, ça va péter. 14h, ça devrait être bien. 14h, le temps de remonter, 15, 16... Ouais, 14h, 15h... Moi, je dis qu'il faudrait nous laisser une heure pour agir. Hein. Sinon, ils auraient trop le temps de remettre en place le truc. Ouais, 15h, ça sera organisé. 16h. Pour moi, 16h, 16h30. 16h, c'est la fin de notre quart, hein, 16h. Ouais. On a commencé à 6h du matin. Donc, je peux pas trop. Non, on peut pas à 16h. Pensez qu'il faut remonter. Hein. Ouais. Pensez que vous avez un étage au-dessus de vous encore aussi. Hein. L'étage. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, dans tous les cas, Never, t'es seul. Hein, donc, c'est 14h, c'est 14h. Voilà, on improvisera. J'avais dit une heure après, donc 13h de midi et demi, 13h30, 14h. Ouais, ce sera 14h. 14h, ça me laissera le temps de... Parce qu'ils vont se rendre compte que les foreuses ne fonctionnent plus. La mienne ne fonctionne plus. On ne va plus pouvoir avancer. Ils ont pas... ça, on ne va pas leur faire croire que ça fonctionne. C'est sûr que si on a deux foreuses sur trois qui ne fonctionnent plus, je pense qu'ils vont commencer à remarquer. Quand je vais en pirater une deuxième, on en aura deux qui ne fonctionneront plus. Et donc, même si on va se faire choper. Quoi. Non, 14h. 14h, la cuisine, il y aura un avari en cuisine. Tu fais le bruit que la marche. Très bien. Ouais. Tu peux faire un test d'ingénierie. Difficulté 2, mais tu subis E2F majeur. Donc vas-y, fais ton test déjà. Voilà. Et hop. Ça te fait 2 succès, donc ça veut dire que là, théoriquement, sauf qu'en fait, t'as E2F en rouge, donc il faut que tu cliques dessus, le E2F en rouge. Ah ouais, non, mais là, c'est bon. Ah bah, super. Non, regarde. Oh, le succès, c'est bon. Oh, du coup, t'as... Alors, t'es au centre, on va avoir le succès, quoi. Let's go. Donc, écoute, ça a fonctionné. Donc, t'as mis ton minuteur. C'est passé de justesse, mais ça passe. T'as réussi ta brique, ta bidouille, ton sabotage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux faire dans l'immédiat? Ou alors tu repars finir de manger avant de repartir travailler? Je vais repartir. Bah, je vais essayer de manger pour prévenir... Bon, quoi que je pourrais prévenir dans la galerie, donc c'est bon. Allez. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire avant de retourner au turbin? Non. Je me demandais s'il y avait des couverts, des trucs à la con comme ça qui traînaient. Coupant ou pas coupant. Vous mangez avec des espèces de grosses cuillères en espèce de plastoc. Ça sert strictement solide, à rien. Quoi. Okay. Non, ça ne sert à rien. Ok, super. Je vais t'agresser avec un couteau en plastique. Ouais. Il reste des pioches pour ceux qui ont des pioches. Quand même. Ouais. C'est ça, moi, je pense que devant les gardes, en fin de compte, je vais pas mal jouer la comédie en montrant comme si je flanchais, en fait. Comme si j'étais beaucoup plus fatigué que je ne le suis. Montrant peut-être que justement ils ont réussi un peu à briser mon esprit ou autre. Ok. Bah écoute, tu peux faire un test. Si tu veux jouer la comédie avec comédie, si tu veux rajouter en ouvrant la parole, en parlant, tu feras un test de baratin. Hein. La même chose, donc plutôt de la comédie. Et je fais 4 succès. Il fait 4 succès qui va être opposé à leur empathie. Hop. Et voilà. Ah. Donc écoute, tu as bien joué la comédie. mieux qu'ils n'ont perçu. Donc écoute, tu les entends ricaner un petit peu et échanger quelques paris pour savoir à quel moment tu vas développer toi aussi une maladie pulmonaire qui t'emportera, tel le sale pirate que tu es. D'ailleurs, ils se disent peut-être qu'ils pourraient t'emmener dans un fin fond d'une galerie un peu oubliée pour te passer un petit peu à tabac, histoire de continuer sur les paris avec les autres gardes, pour savoir qui sera le prochain bagnard à y passer. Vous retravaillez, ça y est, vous êtes revenu au niveau de la pioche et des foreuses. Never t'a récupéré une deuxième foreuse. Voilà. J'ai donné une qui ne marche pas, et je me mets dans un coin et j'essaye de trafiquer la deuxième. En récupérant aussi l'électronique Matériel. Aussi. Ouais, très bien. Bah écoute, voilà, tu fais la même chose, pas besoin de tests supplémentaires. Écoute, hein, tu connais le truc de toute façon. Donc, tu ouvres les petits compartiments, tu sors les circuits imprimés, les différents câbles pour te refaire des instruments électroniques rudimentaires de toute façon. Et d'un seul coup, vous entendez de nouvelles fois une alarme qui se met à sonner, puisque vous entendez code rouge. Code rouge, code rouge au réfectoire. Suite à ça, les gardes qui sont avec vous, les deux mercenaires, ont levé leurs armes instinctivement en direction des boyaux. Et il y en a un qui porte la main à son communicateur, donc comme un gros toki en fait, hein, qu'il a accroché à son gilet. Et qui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et ta situation au réfectoire. Ils nous ont tourné le dos là, plus ou moins, ça En fait, ils sont en direction des boyaux, donc ils vous regardent pas spécifiquement, mais ils sont quand même dans votre direction. Donc il y en a un sur les deux qui est avec le regard hagard de droite à gauche, qui balaye les trois boyaux où sont répartis les 12 bagnards, dont le vôtre. Et le deuxième, bah, pareil, il pointe dans votre direction, mais il a le regard baissé sur son toki. De toute façon, ça va pas rester longtemps. Hein. Une fois que les foreuses sont mises en état de surcharge, on peut pas attendre des heures non plus, quoi. Vas-y, go. Je pense qu'il faut agir là. Ouais. Peut-être le temps qu'il a le statut pour ça, pour juste pas qu'il sache qu'on les a neutralisés. Mais jette une foreuse à leurs pieds. Hein. C'est ce qu'on voilà. Ouais. Bah, c'est toi qui l'a, c'est toi qui a la foreuse du coup, Harold. Moi, j'ai redonné des forces parce que j'ai pas la force pour. Je pense pas. Forcément, je pense que je l'ai laissé au plus costaud hein, pour balancer. Ah bah une écoute, si c'est moi qui l'a, alors je balance tout moi. Hein. Moi je suis là pour balancer des trucs. Hein. Bah, voilà. Alors, alors d'abord, il faut que Never fasse un test d'ingénierie. Okay. Difficulté 3 pour faire surchauffer la pile atomique. On va tout faire péter. Exact. Allez. On va taper Nev. Hein, oui, il a déjà, voilà. Elle a déjà un petit surnom. Nev. Allez, c'est bon. Tu fais surchauffer, ta pile. Tu l'atteins à Belette, qui n'a plus qu'un test d'arme de G pour la balancer à l'entrée du boyau. Donc ça va faire l'effet d'une grenade qui va faire un G de dégâts. Alors, hop, 3, ça fait 1, ça fait 2. Eh bien, écoute. Balance. Exactement. Hop. Ah bah écoute, en explosant, t'as un des gardes qui est complètement projeté en arrière. Celui qui avait son toki, il est projeté en arrière. Celui qui était à côté en train de vous pointer, lui, il est bazardé sur le côté. Ça les choque complètement contre les murs. Il y en a un qui tombe complètement inconscient avec la puissance de l'explosion. Quant à l'autre, il est à moitié dans les vapes. Qu'est-ce que vous faites? Allez les gars! Il est à moitié dans les vapes, je mets un gros coup pour qu'il soit totalement dans les vapes. Puis on va ramasser son fusil. Hein. On se barre de là! Et on donne l'autre fusil à Belette, hein, parce que je connais son adresse au tir. Moi, je fouille les deux gardes, je leur laisse les deux armes d'épaule, je regarde si ils ont pas, je sais pas, des armes de poing, des clés, des communicateurs, des trucs dans le genre. Alors, ils ont tous les mercenaires sont équipés de la même manière. Donc, ils ont un gilet protecteur, tout simplement, et un fusil laser, un poignard. Et après, D'accord. quelques affaires personnelles. Donc, vous ruez sur celui qui est encore à moitié dans les vapes, qui est en train d'essayer de se relever, un bon coup de talon dans la mâchoire. Ça finit de le mettre Voilà. KO, complètement KO. L'explosion a fait du bruit. Vous entendez les Toki qui grésillent un petit peu. Donc pour demander l'avis de la situation. Situation, galerie de cristal, situation. Ah, Qu'est-ce que vous faites? Vous savez bah, qu'il vous reste pas beaucoup de temps avant de voir des gens débarquer ou avant qu'il se passe un truc. J'étais en train de prendre le fouiller le gars, Toki. je tends le Toki Ah. à le noir. Prends le Toki en fin de compte, hein. Avarice sur une foreuse, mais rien de grave. La situation est sous contrôle. Alors, je vais te demander un test de baratin, s'il te plaît. Ça, c'est bizarre, les prisonniers ont pris les Toki. Nul. Alors, est-ce qu'il va être suffisamment clairvoyant? Avari, Avari. Ok, bon, ok, c'est noté. Il y a une merde en cuisine. Je sais pas, quelqu'un a dû laisser un petit pot ou quelque chose dans un four, ça l'a fait péter, mais on est en train de l'éteindre, tout va bien. Qui est reçu? On reste en poste. Allez, messieurs. Donc les gardes Okay. sont dans la cuisine, alors. Bah, on va remonter, nous, hein, déjà notre boyau, hein. Donc on les a bien ficelés, les mecs, hein. Comme ça, ils vont pas nous faire chier. Vous parlez pas qu'ils reprennent conscience pendant que on est en train de faire quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, ils Ouais. sont complètement KO, ils sont complètement hors d'état de nuire. Je prends le gilet de protection quand même, hein, vite fait. Hein, pendant qu'on les fouille, je les retire et je l'enfile avec un Ok. poignard en main. Ok. Donc il Moi, c'est reste. Ok. Donc Nev a piqué le deuxième gilet. Donc il reste un poignard, deux fusils laser. Moi, je prends un fusil laser, évidemment. Hein. C'est Ah mon ouais, c'est job! quoi, c'est... Quelqu'un s'y connaît mieux, hein. Moi, il me faudrait un truc de mêlée. Donc, tu prends le dernier poignard. Je tends le poignard, au pire, et je prends le fusil Ok. laser s'il faut. Ah, C'est voilà. pas vraiment mon arme de prédilection, mais d'accord, très bien, on va essayer. Bon, allez, Bart, Est-ce que... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on remonte. Faut qu'on aille libérer le groupe B. Il y avait des badges ou quelque chose sur les gardes pour Rien du tout. des badges de sécurité? Non, rien. Ok. Rien du tout. Pour accéder aux salles, il y a un code pour déverrouiller les salles, mais il y a tout le temps des gardes à l'intérieur. En fait, ils s'ouvrent et ils se ferment les portes mutuellement. Ah bah on va Bah se ouais, c'est diriger parti, hein. vers le réfectoire, hein, ouais. Hein. Allez, c'est Allez. parti. Ouais, belette devant. Vous revenez dans le couloir principal, qui pour l'instant est vide. Vous voyez le réfectoire avec quand vous approchez, vous arrivez au niveau des vitres, des fenêtres du réfectoire, des vitres qui permettent de regarder à l'intérieur justement voir ce qui se passe pour les gardes qui sont dehors. Vous êtes suivi hein, par le groupe de prisonniers. Il y a de la fumée à l'intérieur et vous voyez deux silhouettes. Hop. Qui pour l'instant n'ont pas remarqué la présence de tout un tas de monde dans le couloir. Messieurs. Bah, je vais me placer au niveau de la porte, moi. C'est des vitres qui peuvent se péter là ou c'est juste des ouvertures C'est ici? c'est une espèce de gros double vitrage. Alors, est-ce qu'il est résistant à des tirs de laser? Il faudrait tester pour voir. Ouais, Alors, juste prendre le temps de tester. avant qu'il se passe quoi que ce soit, moi je fais un regard en arrière à Neve et je lui dis Ouais. va flinguer l'ouverture de la porte des gardes dans le dortoir. Ça en fera deux de moins déjà. Ok, c'est parti. Je vais t'accompagner. Et puis je vais ouvrir les prisonniers, le dortoir des autres prisonniers en passant aussi. On va fouiller après. Dans la... Ça Oui, marche. Donc c'est l'idée. On va ouvrir au groupe B là. alors avant de commencer à canarder à l'intérieur, je vais juste attendre que Neve me confirme qu'elle a bien flingué l'ouverture pour éviter qu'ils sortent avant en fait. Ok. Alors, Bart et Nev, vous pouvez me faire un test de vigilance, s'il vous plaît. Alors, vigilance... Difficulté 1. Oh, ah bah écoutez, qu'ils sont forts. Hop, qu'est-ce que vous êtes fort. Quand vous passez devant la salle des gardes, puisqu'elle est aussi vitrée, eh bien vous voyez en fait qu'il y en a deux sur les écrans de contrôle qui sont en train de regarder, et en fait, voilà, d'un seul coup, vos regards se croisent, vous les voyez, ils vous voient, mais que vous arrive-t-il? Un garde appuie sur un gros bouton, et encore une fois, alarme de sécurité qui résonne partout, bon, avec un message... Code évasion, évasion en cours, tentative d'évasion en cours. Ça commence à sonner un petit peu comme ça. À ce moment-là, dans le réfectoire, ça bouge, Belette. Ouais, je canarde direct. Le premier mec, je tire dessus. À travers la vitre, hein, comme je sais pas, j'essaye quoi. En espérant qu'elle se brise, sinon t'as l'air. En espérant. Hein. Moi, j'étais plutôt positionné de ce côté-là. Ok. Super. Ouais. Donc, on va rentrer en phase de combat. Donc. Comme vous prenez par surprise, on va pas s'embêter avec 15 d'initiative qui se ferait sinon avec tactique, puisqu'on est au sol. Mmh. On va considérer que vous avez l'initiative, donc ils vont jouer après vous. Donc vous jouez dans l'ordre que vous voulez, en termes de groupe. Vous décidez si c'est Belette qui joue en premier, etc. C'est que vous décidez. Et les adversaires joueront pareil par groupe après vous. Donc il y aura donc vous quatre, ensuite les mercenaires, et en toute fin, il y aura les autres prisonniers. Ok. Bon, moi, dès que ça sonne, je tire. Hein. Je me prends pas la tête. Hein. Allez, tu connais la chanson pour tirer, c'est arme d'épaule, pour le tir, c'est difficulté 3. En sachant que là, il y a de la fumée à l'intérieur, tu vois pas bien, donc c'est D plus 1, ça va être donc difficulté 4. Donc arme d'épaule, c'est parti. Donc 3 succès, tu balances effectivement avec ton arme quelques tirs à l'intérieur, ça part dans la fumée, la vitre a complètement volé en éclats, donc non, ça ne résiste pas, bien évidemment. Tu as autant de balles qui sont parties que ton tir. Donc t'as deux tirs qui sont partis, trois tirs qui sont partis. Ouais. Je te laisserai compter tes munitions et tu sais pas si t'en as touché un ou pas. Il y a les tables, il y a de la fumée, c'est en train de se dissiper là avec l'ouverture. C'est ensuite qui vous voulez, Harold, Bart ou Nev? Vas-y Harold. Moi je comptais la fumée, on l'a pu la voir quand je suis passé, la fumée elle est bien opaque ou quand même à voir les contours des personnes et non, tout non, ça non non, vous voyez des silhouettes, vous voyez largement les silhouettes parce qu'elle est en train de se faire aspirer et dissiper, donc là au tour prochain il n'y en aura plus de toute façon. Ok d'accord, très bien. Je vais ouvrir la porte ici, hop là, je vais ouvrir cette porte là. Et j'ai commencé pour ouvrir. Et j'ai commencé à mitrailler hein, dans le tas. Allez, donc une action simple pour ouvrir la porte et ton action complexe pour tirer. Pour rappel, vous avez deux actions simples, une action complexe et une infinité d'actions gratuites pour faire des tout petits trucs. Donc attaquer, c'est une action complexe. C'est arme d'épaule. Exact. On va tout péter! Donc c'est difficulté 4 avec la fumée qui est en train de partir. Donc c'est pareil, ça tape à côté. Peu importe. Donc vous êtes à couvert par rapport à vos positions. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, eux, ils ont une difficulté +1 pour vous toucher même quand tu auras plus de fumée. Nev, Bart, à qui le tour? Comme tu veux. Est-ce que je peux ouvrir la porte des prisonniers pendant le combat ou c'est pas possible? Non, tu peux te lancer. Donc tu branches ton système et tu vas faire de la même manière un test d'ingé, s'il te plaît. Histoire d'avoir un peu de renfort. C'est difficulté 3 aussi, comme tout à l'heure. Ouf. Donc 3 et E2F, la même chose. Ah, dommage. Donc, un succès, donc il t'en reste 2. Donc au tour prochain tu pourras continuer, t'as commencé à brancher, donc t'as fait sauter le cache, tu t'es branché dessus et t'as commencé à essayer d'ouvrir, donc t'as fait sauter quelques réseaux, mais il faudra continuer au prochain tour pour peut-être espérer déverrouiller la porte des dortoirs. Bart, si je peux me cacher, enfin si Bart peut me couvrir pendant en même temps. Un peu de son. Bon, il a du boulot, ça. Profiter de l'effet de surprise en fin de compte hein, pour bondir dans la salle des gardes et puis m'attaquer tout de suite à l'un des deux hein, avec Ouais, avec le couteau, hein. Ok, donc tu veux essayer de sauter à travers la vitre? C'est vrai que c'est plus classe, mais bon, c'est plus dangereux. Parce que la porte, à ton avis, elle est fermée. Hein. D'accord. Bah, du coup, ouais, hein. C'est... Voilà, on va faire une action stylée, hein. Merde, on est des pirates. Ouais. On traverse la vitre, en fait, compte, et je lui saute dessus. Voilà, hein. Tu seras ensemble, mais ouais. Entre les dents. Entre les dents. Allez, tu peux faire un test d'athlée, s'il te plaît. Difficulté 2. Alors, est-ce que je peux utiliser du Metal Factor ou pas, là, pour traverser la vitre? Alors, ce n'est pas une action violente en soi. Maintenant, comme tu veux faire une charge en même temps, on va dire que tu peux. Allez, et par contre, ce test d'athlée, ce sera le seul à faire. Il va compter comme un test de mêlée. On va remplacer ta mêlée par ton athlétisme. Et comme ça, tu peux utiliser du Metal Factor pour traverser et sauter sur un garde et lui mettre un coup de couteau en même temps. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler la règle, justement, des Metal Factor Alors, tu peux en dépenser... Alors, pour faire simple, donc pour pas partir dans tous les sens, tu peux dépenser de manière globale toujours autant de Metal Factor que tu as dans ton score. Donc là, par exemple, en additionnant, tu es à 5 au total, tu as 4 au total en athlétisme. Donc là, on imagine que tu peux dépenser jusqu'à 4 Metal Factor. Comme vous êtes toutes et tous des humains, quoi qu'il arrive, même si tu en dépenses 4, moi, tu ne m'en donneras que 3. Et quand tu fais une dépense de Metal Factor, peu importe la dépense, t'es obligé d'en dépenser à minima 2 pour m'en donner un quoi qu'il arrive. Je suis obligé d'en récupérer un. D'accord. Voilà. Quand vous allez être en situation d'overdrive ou donc des situations un peu où tu peux dépasser tes limites, donc généralement ce sont des situations qui sont en lien avec ta motivation. Voilà, ou qui mettent vraiment ta vie en grand péril, si c'est de vie ou de mort ou quoi. Ben là en fait tu peux doubler, voire tripler même le nombre de Metal Factor que tu peux dépenser. D'accord, ok. Voilà, il y en a même des situations où tu n'as quasiment plus de limites. Tu peux dépenser, si tu veux jeter 50 dés, tu peux jeter 50 dés de Metal Factor. Ah, oh, mais là, on va faire une action un peu stylée, tu vois, pour montrer aux autres que, ben voilà, Barthes le Noir, il a pas peur. Donc on va claquer 4 Metal Factor. Allez, voilà. Donc je récupère 3. Tac, c'est fait. Bon, ma sauce. Alors normalement, si là je mets Metal Factor, si je fais sur Athlée... Ah non, il me les a pas comptés. Bon, bah, je refais deux fois le G. Hein. Ce qui fait en tout, du coup, 6 succès. Allez, eh ben, écoute, 6 succès. Quant à ton adversaire qui est surprise, parce qu'il s'y attendait pas trop. Lui, il est à 3. Donc, ça fait 3 succès excédentaires. Le poignard, ça fait des dégâts L. De base, t'es à 2L. Donc, 2L, tu rajoutes les succès excédentaires. Donc, 6 moins 3, ça fait 3. Ça fait 5 dégâts légers. Ok. Hop. Donc tu traverses la vitre, tu voles en éclats, t'atterris sur le premier garde et tu lui infliges 5 légers nets d'impôt. 1, 2, 3, 4, 5. Autant te dire qu'il tire sacrément la gueule. À pique. Hein, même avec son gilet, là, ça a bien traversé le gilet. Tu l'as suriné bien comme il faut. Ouais. Depuis le temps que j'en rêvais. Je te reconnais, toi, c'est toi qui m'as molesté. Ah bah écoute, son camarade à côté, de rage, lui-même, hop, il sort son poignard et il essaye de te mettre un coup de poignard. Donc tu vas faire un test de mêlée pour te défendre. Alors en mêlée, moi je fais sur PMF, parce que je suis gaucher, donc... Alors PMF, donc c'est un PMF mineur, ce qui veut dire que tu peux relancer un de tes succès pour essayer d'avoir encore plus de succès. D'accord, donc là déjà je lance le dé classique. Hein. Voilà, tout à fait. Oula, ce jeu pourri. Voilà, donc tu peux faire quand même juste un seul dé. PMF, non, en fait c'est que des mages, c'est pas, on en retient qu'un, on retient que le premier. On retiendra toujours que le premier parce que c'est... Ça fait, tu prends toi aussi 5 L. Ok. Donc tu prends une belle estafilade le long du bras, voilà, qui te fait rouler un petit peu sur le côté pour t'aider. Donc tu es toujours au contact, mais de fait tu n'en as plus un avec toi, mais tu en as deux contre toi. Donc ils sont mis tous les deux pour te faire ça. Quant aux autres, ils vont tirer dans votre direction, dans la direction de Belette, parce que ça a été le plus impressionnant. Donc Belette, tu vas te faire tirer dessus. Hop, difficulté 4 pour eux aussi. Bah écoute, tu as des lasers, des tirs de laser qui te passent au-dessus de la tête, à côté, bien à couvert. Ouf. Le groupe de bagnards derrière toi, Belette, au niveau de l'entrepôt, donc il y en a qui sont cachés au niveau de l'entrepôt pour essayer de ne pas se faire canarder. Ils savent pas vraiment trop comment réagir. C'est pas forcément du personnel très courageux, donc ils sont plutôt en train de se mettre à l'abri. Ouais. Et en train de prier pour que votre tentative d'évasion fonctionne. Okay. C'est de nouveau à vous. Ah bah de toute façon moi je vais pas dans la demi-mesure, hein. Je continue à canarder, hein. Ça va faire du dogfight, enfin genre... voilà. Du coup là c'est toujours tant qu'il y a la fumée, on est d'accord que non, c'est toujours 4. Non, il n'y en a plus. Donc là c'est 3, c'est dissipé. Exact. Donc ça passe à 3. Elle a été aspirée. Arme d'épaule. Hop. Oh putain par contre. Ouais si, ça va, ça va. Ah oui, c'est bien. Donc là, dire, ça fait 2G. Ça fait 2G. Donc ça te fait un total de 4G. C'est ça. Voilà. Donc voilà, moi j'ai un peu sulfaté. Hein. C'était en mode. Bon, là j'ai tiré essentiellement sur le premier, hein, qui est là. Hein. Écoute, il s'écroule au sol. Il s'écroule complètement au sol. Voilà, avec ton tir, tu le vois faire une espèce de vrille sur lui-même avant de s'étaler. Et quant au second, au moment même où son collègue se prend une nouvelle rafale et tombe au sol, tu vois qu'il lève son fusil au-dessus de sa tête avec des grands yeux écarquillés, comme ça, en signe de reddition. Ah, ça, c'est un gars qui a compris. Voilà. Harold. Je vois que lui, il se rend. Je fais signe au gars qui était avec nous d'aller maîtriser les gars et d'aller récupérer leurs armes. Hein. Allez faire ça, vous. Ouais. Et moi, je m'accours au niveau de cet endroit-là où j'ai entendu une vitre se casser et tout ça, pour venir aider mon comparse et tirer à bout portant sur ce gars-là. Là, hein. On est emmêlés. Alors, hein. On va oui, reprendre oui. Donc au premier, tu vas donner un ordre pour que le groupe de bagnards qui vous accompagne aille s'occuper de maîtriser les gardes. Donc là, tu fais un test de commandement et ça va être considéré comme ton action complexe puisque tu vas donner des ordres aller les maîtriser. Donc il va te rester deux actions simples qui vont être de te déplacer en fait. Donc tu vas pas pouvoir te retirer, mais tu pourras te déplacer. D'accord, très bien. Bon, je vais me déplacer. Hop là. Commandement difficulté 1 parce que c'est des... Voilà, très bien. Ils n'ont pas de volonté, de toute façon, ils vont vous écouter. Donc, le gros groupe va se déplacer pour aller effectivement les maîtriser sans aucun mal. Et toi, tu vas te déplacer pour voir la situation. Donc, Bart aux prises avec son poignard a deux gardes, dont un sévèrement amoché. Et il a une belle estafilade sur le bras. Nev, c'est à toi. Tu peux refaire ton test d'ingé pour continuer à pirater la porte. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, E2F, pareil. Ben voilà, il t'en fallait 3 au total. Tu en as 3 ce coup-ci. Quand tu reclipses un dernier petit coup derrière, tu entends le fameux son des portes qui s'ouvrent tranquillement. Et tu vois derrière de l'autre côté 12 bagnards qui étaient déjà collés pour certains aux vitres en train de regarder. Et il y en a une grande partie qui commence à sortir dans le couloir. Bart, c'est à toi. Ok, bah on va continuer déjà pour essayer de d'en mettre un hors d'état, hein, donc je vais réattaquer le même. Oh là là, c'est pas fou. Bah 3 c'est bon, non. Alors, PMF. Ça fait 4. Ça fait 4, écoute, hop, il va faire son test de mêlée. Ah bah ça, bon ça, ça. Voilà. Oh, tu l'avais amoché déjà. Tu l'avais amoché un peu. Ouais, il était déjà bien amoché. Ah, ouais, il était bien amoché. Bah écoute, tu lui mets un deuxième coup de surin sous le gilet. Il y a une grosse gerbe de sang qui coule alors qu'il se met à reculer. Il tombe à moitié en arrière. Et de la même manière, bah, son collègue, qui lui, voyant que tu viens d'éventrer une personne juste à côté... Il fait un petit bond en arrière et il jette son arme, il jette son poignard au sol en levant les mains aussi, en essayant de se rapprocher de son camarade qui est grièvement blessé. Et il essaye de maintenir un petit peu la blessure, mais visiblement il s'est rendu, il a jeté ses armes à tes pieds. En même temps, il vient de voir 12 prisonniers sortir, un autre avec un flingue. Ça, on va pas le dire, mais bon. On va le maîtriser, le dernier, hein, voilà. Je pense qu'on va, ouais, on va les réunir tous dans le réfectoire, là, tous les gardes. Allez, hop. Du coup, dans la salle de garde, je vais regarder un petit peu s'il y a des choses qui peuvent nous être utiles. Alors, dans la salle de garde, il y a quelques commutateurs avec des écrans qui sont censés afficher les caméras de surveillance de la zone. Cependant, sur la dizaine de caméras, il y en a deux qui fonctionnent en vrai. Celle qui montre le dortoir prisonnier et celle qui montre le réfectoire. Après, il n'y a aucune caméra qui fonctionne. Bon, c'est voilà, c'est en accord avec la radinerie légendaire de l'OCG. Hop, donc tous les gardes vont être regroupés, qu'ils soient peu importe leur état par ici. Voilà. Tu trouves rien de vraiment intéressant. Si ce n'est, il y a une troisième caméra quand tu vas faire changement de chaîne où tu vas avoir accès à la visu sur le hangar qui se trouve au-dessus, l'entrée en fait de la station. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble? Ce que tu arrives à voir, donc c'est un énorme hangar comme dans ton souvenir il y a quasiment un mois de ça. Hein, on était encore l'année précédente. Donc, une très grande salle, un gros hangar. Donc, l'ascenseur, il donne donc le gros monte-charge. Donc, en opposé, sur le mur opposé, il y a l'énorme porte blindée du hangar pour sortir et quitter en fait la mine. Il y a tout un tas de conteneurs dispersés un peu partout avec donc, du minerai. Tu vois à l'heure actuelle deux Atmo 412. Donc, les Atmo 412, ce sont des véhicules aériens. Vous l'aviez, hop, ici, ça ressemble à des gros transporteurs, bougez pas, vaisseau, hop, Atmo, il est là, ça ressemble à ça. Donc sur lequel on va pouvoir fixer à l'arrière en fait plusieurs conteneurs et on va pouvoir tenir dans la cabine à peu près à 6 maximum en se serrant vraiment comme des bêtes. Alors pour pouvoir faire ça convenablement, on va préférer être 3-4 à l'intérieur. Et donc il y a deux atmos, des conteneurs, la porte blindée, et à côté de la porte blindée, bah, un escalier de métal avec le centre de contrôle qui permet de voir à la fois à l'intérieur du hangar donc, et à l'extérieur, c'est-à-dire sur les plaines gelées d'Aldena. Et peu de monde. Ouais, vas-y. Peu de monde. Étonnamment, ça a l'air assez vide. Voilà. Bah ouais, restrictions budgétaires, hein, donc on réduit le personnel, hein, c'est première dépense dans une entreprise, donc forcément. On va marquer un garde avec nous au cas où il y a un digicode ou autre. Et puis bah, on va monter vers. Voilà, hein, moi je pas juste avant l'intention de de rester ici. partir, juste avant de partir, je vais recharger, utiliser les munitions d'une des armes qui pour recharger mon fusil, parce que j'en ai utilisé, hein, évidemment. Et Ouais. je vais demander aux gardes oui, s'ils ont des chargeurs à disponibilité à dispo. Genre, j'imagine qu'ils n'ont pas juste dit, enfin, un Tout à chargeur, fait. quoi. Non, non. Donc ils ont tous, parce qu'ils comptaient pas forcément se faire taper dessus, ils sont assez légers. On va dire, c'est, vous voyez très bien que de toute façon, les mercenaires qui sont dans votre niveau avec vous, vu la rapidité avec laquelle ils se sont rendus, ils ne sont pas assez payés pour défendre chèrement leur peau. Le Exactement. fait que vous les ayez épargnés, que vous ayez laissé tranquilles pour faire les premiers soins, pour pas que voilà, ils meurent, etc. Bah, ils vous divulgue sans aucun souci le peu d'infos qu'ils ont. Alors le peu d'infos qu'ils ont, c'est tout simplement donc il y a donc chacun ils ont un fusil laser. Donc si vous avez voulu récupérer chacun un fusil laser, vous avez pu. Ils ont chacun un poignard de la même manière, vous avez pu. Et chacun encore une fois un gilet protecteur. Donc si vous voulez tous être équipés avec un gilet Oui. protecteur, il n'y a pas de souci. Ouais. Ensuite, ils avaient donc au total trois chargeurs, c'est-à-dire un dans le fusil et deux en surplus. Bah du coup Donc je comme il y avait récupère. six gardes. Voilà. Je Je te laisse faire ton compte. récupère. Alors après, tout forcément, j'imagine que alors est-ce qu'il va falloir qu'on se dispute avec les autres prisonniers pour récupérer toutes les armes pour qu'on ait tous au moins un fusil? Non. Ou pas? Non, non, il n'y a pas. Sur les autres prisonniers, il y en a seulement deux qui ont récupéré des fusils et des poignards. Sans forcément vous demander quoi que ce soit, et se sont équipés aussi avec des gilets protecteurs, puisque Il y avait peut-être d'autres qui ont des salaryman qui ont essayé, ou women, hein, qui ont essayé de récupérer un gilet, mais ils se sont pris une grande claque dans la gueule. Et donc il y en a deux voilà, qui sont un peu plus balus, qui ont l'air, qui ont plutôt un look de criminel galactique qu'autre ouais. chose. Et voilà, qui ont récupéré chacun un gilet, un fusil, pareil, deux chargeurs en surplus, donc les trois chargeurs totaux chacun, et le poignard, qui sont équipés en fait. Hein. Et qui n'ont pas forcément demandé quoi que ce soit, ils sont mis en retrait, mais ils sont équipés. Mm-hmm. Et voilà, ils ont échangé quelques mots. Il y en a un qui a dit, bah, t'as vu, je t'avais dit qu'ils allaient faire un truc, ceux-là. Je t'avais dit que c'était des pirates. Bah, du coup. Évidemment qu'on est des pirates. Ouais. Bon, bah, maintenant, faut y aller. Moi, il y a deux choses en fin de compte. Vas-y. Je veux, juste par rapport à la salle de garde, deux choses que j'essaie de trouver. Éventuellement une trousse de soins. Même si je l'utilise pas tout de suite, hein, mais voilà, de quoi soigner. Je pense qu'ils doivent bien avoir un peu de bandage, désinfectant, ce genre de conneries. Alors tu vas trouver notamment dans le dortoir de quoi mm-hmm. faire des premiers soins. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, je pourrais me faire ça au niveau du bras quand on sera au calme. Et est-ce qu'ils ont... Est-ce que l'un des gardes, par exemple, a des cigares? Alors, est-ce qu'il y a des cigares? Voilà. Bah écoute, il n'y a pas de cigares, par contre, comme tu peux le voir, il y a quelques paquets de clopes. Ouais. Ah, je suis pas un fumeur de cigarettes, mais je vais les prendre parce que ça peut se revendre peut-être des cigarettes, faire de la négo ou autre. Je vais prendre un paquet, prendre de quoi allumer, et puis je pense qu'après on va filer. Enfin, à moins que les autres aient d'autres choses à faire, mais voilà. Pour ma part, je suis prêt à m'enfuir là. Mmh. Allez, moi, je... Moi, je questionne les gars pour avoir le code en fait, pour des digicodes en fait, tout simplement. Et qui nous disent à peu près ce qu'il y a au-dessus. Quel salon on peut trouver, etc. Okay. Donc, le code, il n'y a pas forcément de grand mystère, puisque ne pas voulant s'embêter, et surtout ils n'ont pas d'ingénieur informatique ou quoi que ce soit, on va dire, pour faire ce genre de maintenance, c'est tout simplement le nom de la station, le code c'est 2702, pour okay. Appeler le monde charge. Voilà, et après, à l'intérieur, il n'y a aucune sécurité, c'est juste pour l'appeler, en fait, il faut l'appeler depuis l'étage. Sinon, c'est depuis le centre de contrôle qu'on peut faire descendre le monde de charge. Au-dessus, alors ce qu'ils te disent, c'est que normalement, au-dessus, il y a souvent une quinzaine, entre une dizaine et une quinzaine de mécanos. Et il y a une demi-douzaine d'employés de sécurité qui, eux, par contre, sont beaucoup mieux payés. Ah, d'accord. Voilà. Donc autant gaffe, eux, c'est pas leur taf de se faire tirer dessus. Voilà, ils sont là pour voilà. Autant les gars du dessus, eux, ils sont là pour se faire tirer dessus. Donc c'est possible qu'ils mettent plus de résistance. En tout cas, ils se battront très certainement. Ils vendront chèrement leur peau. D'accord. Nef, tu voulais intervenir précédemment. Oui, je voulais juste. Alors, est-ce que je suis capable de me servir d'une des armes, moi? Parce que je suis pas une spécialiste du combat. Ouais, les fusils. C'est arme d'épaule. Arme d'épaule. Il y a aucune compétence. Enfin, arme d'épaule n'est pas une compétence fermée. Donc tu pourras faire un test. Après, tu vois tout bien que tu vas le faire en brut avec ton score d'agi. Donc tu n'es pas particulièrement compétente, mais tu peux prendre un fusil et tirer avec, quoi. D'une autre part, Nev, donc c'est pas trop. Enfin, c'est pas trop une. La vue du sang et tout, c'est pas trop. La guerre et tout. Donc elle a aidé à soigner les. Les gars, les gardes, parce qu'elle n'a pas pu s'en empêcher, elle ne peut pas laisser les gens souffrir. Et elle veut soigner Bart avant qu'on aille plus loin, parce que quand même, elle est impressionnée par les staphylates, donc elle aimerait quand même prendre un peu de temps, si c'est possible, pour soigner Bart, ou à moins quelqu'un ait de meilleures capacités qu'elle. Mais... Ça si la dérange. Tu veux t'occuper de lui, il va se laisser faire, hein. Il n'est pas comme ça, Bart. ça dérange. Bah voilà, comme j'ai expliqué, vous êtes commencé à être un peu sa famille, donc elle ne peut pas laisser son frère souffrir, hein, comme ça, donc elle va vouloir le soigner, si c'est possible. Bien sûr, donc premier soin. Premier soin, je l'ai vu tout à l'heure. Dans sang froid. Voilà. Ouais, sur la droite, en bas à droite. pas très doué. Hein, un petit succès. Bah écoute, Bart, il me semble que t'étais sur des dégâts légers. C'est ça. Et bah écoute, ça te permet de récupérer la totalité de ton état de santé léger. Ouais. Allez, on va pas s'embêter. Cool. Voilà. Et tu peux, si tu veux, refaire un... Non, c'est pas la peine, voilà. T'as pris le temps et t'as permis de stabiliser aussi le garde qui s'était fait éventrer. Et pareil, de stabiliser aussi celui qui s'était fait shooter par Belette. Merci, voilà. Et juste, juste avant qu'on parte, je finis par la dernière question. Où est-ce qu'on a mis nos affaires? C'est vrai. Alors, à cette question, la réponse est si vos affaires sont quelque part, c'est très certainement dans la salle. La salle décellée qui se trouve au niveau du hangar, en fait, de l'entrée juste au-dessus. Ok, ça marche. Il y a à côté des vestiaires. Ok, merci. Du coup, on a encore une grenade foreuse. T'en avais trois. Autant qu'on veut, hein, d'ailleurs. C'est pas le temps que ça prend, je pense, de préparer. Écoutez, en tout et pour tout, il doit être déjà 15h. Ouais, voilà, faut pas qu'on va pas traîner. Hein. Mais si tu veux prendre 10 minutes, ça te prend 5 minutes à peu près pour tout préparer. Et après, t'as juste ton test d'ingé sur le tas à faire pour l'acheter. Mais si tu veux, en 10 minutes, tu peux préparer 3 foreuses, en fait, pour après que t'aies juste à les faire surchauffer. Marche. Oh, bah ça vaut le coup, peut-être, alors. 10 minutes, ça va. Le coup de prendre 10 minutes, non? Bon, dépêche, ouais, 10 minutes, ouais. 3 grenades, ça peut valoir le coup. Allez, relance-moi ton ODF. C'est chaud. Et non. Ouais. Énorme. Ouais, non, 10 minutes c'était pas assez, c'est pas le temps, désolé. Oh, bah, tant pis, tu peux me refaire un deuxième test si tu veux. Genre 10 minutes, t'as eu le temps de t'y prendre deux fois, y'a pas de soucis. Allez. 4, faut les valider. Ah, 1, 2, 3, c'est 4. Pas mal, ça. C'est bien ça. Bon, voilà. Bah, voilà. Bah, écoute, quand tu veux. Donc, t'en as préparé 2, et celles-ci tu les as préparées de manière à ce que quand on appuie sur le bouton d'allumage, ça déclenche la surchauffe. Donc, en gros, voilà, tu les as laissés à qui tu avais envie, et il suffit d'appuyer dessus, de l'acheter, et puis à la fin du tour, elle pète. Ouais. Après, c'est Belette, Bart, enfin ceux qui sont les plus habitués à bouger, quoi. C'est Belette, Belette et Belette. Ah, moi, les grenades et le fusil laser, c'est mon dada. C'est ça, Ça m'étonne, en voyant ton nom, que ce soit le cas. Bon, allez, on se casse, pas envie de traîner ici. Hop, on va prendre l'ascenseur. J'imagine qu'on ne peut pas monter tous en même temps dedans, d'ailleurs. Et bien sûr que si, c'est un énorme mont de charge. J'ai appelé ça ascenseur, c'est un gros mont de charge. Donc, vous vous retrouvez entouré de testostérone. Voilà, donc vous avez... une vingtaine de prisonniers. Est-ce que vous avez pris, vous m'aviez dit que vous avez gardé un garde avec vous? Ouais. Si on a les codes, c'est peut-être pas nécessaire. En soi, c'est pas utile, hein, mais si vous avez voulu en monter un avec vous, vous pouvez. Non, parce que du coup, je crois que l'un de nous a récupéré les codes, donc c'était pour ça que je voulais en emmener un. Hein, C'est le nom de la station, voilà. Pas compliqué. Est-ce qu'on mettrait pas les prisonniers qui ne sont pas de nous devant nous? Donc moi, si ça canarde, ils se feront canarder avant. c'est pas une attitude de pirate, ça. On peut pas. On est pas comme ça. Arrête de faire ta lopette, Belette. Est-ce qu'on s'est changé, pris les fringues des gardes ou des choses comme ça, histoire que ça fasse un peu plus... un peu moins prisonnier et un peu plus garde, quoi? Moi, j'ai du mal à me faire passer pour un garde. Hein. titre de rappel, il y a eu une grosse alarme avec écrit tentative d'évasion niveau moins 1 qui a résonné partout. Okay. C'est bon. Clairement, ils vont nous attendre. Hein. De toute façon, il n'y avait pas ma taille. Ils étaient tous petits. Moi, j'ai pris un vêtement de garde parce que justement, le vêtement de détenu, non merci. Je vais faire pareil aussi parce que vêtements de détenu vert, c'est pas trop mon truc. Les petits gants, c'était sexy. Garde juste les gants, là. Eh bien, écoutez, quand le monte-charge s'ouvre, donc encore une fois, c'est spacieux hein, pour accueillir la totalité des prisonniers. En plus de ça, bah, vous vous retrouvez effectivement avec 21 comparses. Il va falloir en faire un truc. En tant que pirate, bien évidemment, je vous rappelle que la liberté fait partie des valeurs cardinales de la piraterie. Donc ce serait peut-être pas super bien vu pour les pirates honorables que de libérer des gens et de les laisser sur place. Oui, non, c'était pas, pas l'objectif. Hein. Enfin, oui, non, c'était pas l'objectif. Déjà. Hein. Donc, une fois que le monte-charge est arrivé à refait ses cinquantaines de mètres en direction de la surface, la température, elle, ne monte pas, elle. Bien évidemment, dans le monte-charge, il fait un froid glacial. Hop, quand ça s'arrête, vous avez l'énorme porte métallique qui se redresse pour vous retrouver dans un long corridor, donc qui part sur un coude, qui va amener au hangar principal. Donc vous avancez plutôt précautionneusement jusqu'à l'immense salle où s'entasse, encore une fois, là vous y avez tous accès, vous voyez tous, hein, donc vous voyez des conteneurs de cristaux, le plafond qui culmine à plusieurs étages au-dessus d'eau, puisque les conteneurs vont s'entasser sur plusieurs niveaux. Vous avez, pour rappel, donc un bras donc de grue qui est contrôlé à distance avec un rail accroché au plafond, donc il peut traverser toute la longueur de la pièce. Et en face de vous, à l'extrémité opposée, vous avez l'énorme porte blindée, complètement immense, hein, qui permet d'ouvrir vers l'extérieur. Donc vous avez encore une fois deux Atmo 412 qui attendent d'être chargés avant de partir. Et c'est vide. Il y a une espèce de pénombre. Alors c'est vide, pas forcément, puisque vous voyez au niveau de la salle de contrôle, hein, qui est à côté de la porte blindée, depuis l'escalier métallique, plusieurs silhouettes, très certainement les mécanos qui se sont confinés à l'intérieur. Et vous n'entendez pas un bruit, mais vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent vous attendre, les fusils laser pointés dans votre direction. Mettez-moi à couvert. Ouais, se mettre à couvert derrière des caisses, des conteneurs, ce genre de choses. Ouais. Hein, Très bien. Essayez de prêter attention, voir si on voit quelque chose, des mouvements qui pourraient être suspects. Balance une foreuse. Ça va éclairer un peu la zone. Ok, bah du coup je balance. Alors au jugé, hein, je me dis que essayer de me rappeler un petit peu comment on faisait à l'époque où j'étais fusillé dans l'Empire Galactique et où je me mettrais si j'étais à leur place pour du coup balancer la foreuse à l'endroit où je pense que je pourrais me mettre si je devais faire une embuscade. Si tu dois réfléchir comme ça, donc tu as le choix, hein, parce qu'au début tu m'as dit que tu essayais de regarder où ils étaient. C'est vigilance, ouais. Mais en réfléchissant de cette manière-là, ça va être un test de stratégie. Eh ben écoute, on va tenter la stratégie, si c'est pas, je pense, mon... Allez, difficulté 1. Stratégie, c'est alors, je sais même plus où c'est. Ah, c'est en intelligence. J'ai trouvé. Oh bah voilà. Parfait. Eh ben, écoute, voilà. Au vu... Je suis rappelé mon instructeur. Ouais, exact. au vu de l'agencement de l'espace, il y a à peu près, il y a que deux zones où il peut y avoir des gens complètement planqués, mais qui ont un angle de vue sur vous. Donc au niveau de conteneurs. Donc tu choisis un des deux, tu jettes. Donc je vais te demander ton test d'arme de jet, s'il te plaît. C'est parti. Arme de jet. Ah oh, ça va. Très bien. Bah écoute, il y a un grand bang et vous voyez, vous entendez un espèce de grommellement à moitié étouffé alors que vous voyez un humanoïde s'envoler dans les airs et s'écraser derrière, suite à quoi on va avoir un test de tactique. Donc il y a un des mercenaires qui était caché effectivement à cet endroit-là qui a été complètement balayé par l'explosion. Donc test de tactique. Alors vous avez le choix. Ou bien vous faites tous un test de tactique. Mais ça peut être un peu long. Donc sinon, ce qui est le plus simple, c'est tout simplement de vous rallier à une personne. Alors souvent, on se rallie au capitaine. Mais ça peut être aussi de vous rallier à la personne qui est la plus apte, on va dire, en termes de commandement sur le terrain. Auquel cas, ce sera forcément elle qui après pourra distribuer les rôles. Et il me semble que celle qui a le plus de tactique, c'est Belette. L'armée. Donc, l'armée est à toi. Donc, un seul test de tactique. Hein. Voilà, ce sera celui de Belette. Les ennemis, ouais, quand ils font le leur, hop. Voilà, donc ils ont fait 2 à leur initiative. Belette, tu fais ton test de tactique. Bien évidemment, oh, tu as fait plus de 2. Oui, ouais. Oh, bah, oui, t'es bon en tactique. Ah oui. Ah oui. Tu vois, je vous guide un petit peu dans la stratégie militaire. Tu vois. Exact. C'est à vous de jouer, messieurs. Donc, c'est un grand espace. Hein, donc, il y a à peu près le périmètre doit faire 100 mètres, à peu près 100 mètres carrés. Donc, c'est quand même une grande salle. Donc là, on a vu quand même, oui, les mouvements d'un peu tout le monde, ou on voit les gars maintenant ou pas du tout? Vous avez identifié les 2 zones où se trouvaient les mercenaires. Ouais. Donc, il y en a un qui est hors d'état de nuire et donc il en reste en fait 2 autres. Donc il y en a un qui était à côté de celui que t'as pulvérisé, et il y en a un qui est sur un conteneur non loin. Donc comme ils sont à couvert, ça veut dire qu'ils vont vous imposer un malus, donc c'est D plus 1 pour les touchants, donc c'est difficulté 4, tout simplement. Mais vous êtes à couvert aussi, donc tout le monde tire à 4 là. Et c'est vous qui commencez, donc vous pouvez ou tirer de là où vous êtes, ou vous déplacer. Bon, faut imaginer, c'est un grand hangar, une grande salle, il y a des conteneurs, donc on peut se faufiler un petit peu aussi en progressant doucement, il y a plein de choses à imaginer. Je jetterais bien la deux, parce que j'en ai 2, hein. Oui. Tu m'en as donné 2. Je jetterais bien la deuxième finalement sur l'autre, un des autres endroits où ils pourraient s'y mettre. Au moins pour, à la limite, les faire se déplacer pour qu'ils sortent de couvert, forcément parce que ça va péter, pour qu'ils sortent de couvert et que mes camarades aient plus de facilité pour peut-être les leur tirer par la suite. Allez, je t'en prie, fais ton test. Donc c'est arme de jet. Hop. Ça fait 2 succès. Allez, bah écoute, tu as jeté ta grenade. Hop. Tac. Qui a atterri là où tu avais envie, à peu près dans la zone où tu, ouais, voulais qu'elle atterrisse. Donc ça pète toujours à la fin du tour, hein, quand on est en combat. Ok. À vous autres. Moi je vais tenter justement de... d'avancer à couvert en fait. Hein, parce que bon... voilà... fusil, c'est pas mon truc, hein, donc je vais essayer de progresser en fait à couvert pour me rapprocher et puis pour peut-être les prendre à revers avec le poignard. Très bien. Bah écoute, tu fais toute ton action, tu peux faire un test de discrétion, s'il te plaît. Alors, faut filer. Discrétion, difficulté 2. Hop. Je fais 2 succès. Ah bah écoute, très bien, t'as commencé à faire une dizaine de mètres entre les conteneurs dans la pénombre, à te faufiler. Apparemment, tu penses que tu n'as pas été repéré. Mmh. Gassard, Beria. Moi, de mon côté, je vais m'avancer vers la grue, en fait, pour prendre contrôle de cette dernière. Alors, je te rappelle, c'est un bras. Le bras, mmh, d'une grue qui descend du plafond. D'accord. Elle est actionnée à distance. Voilà, c'est un rail, okay, elle est attachée à un rail qui fait toute la longueur. D'accord. Et on voit pas une machinerie où ça serait... Si, où... au centre de contrôle. Ah. Au centre de contrôle, ok. Ah, à l'autre bout de la salle, en fait. Ouais, donc il faut traverser, okay, d'accord, la pièce. Exact. Ouais, bah ouais. C'est pas un souci pour moi. je vais discrètement essayer de passer pour aller jusqu'à cet endroit-là. Bah pareil, je vais te demander un test de discrétion pour te faufiler. Pareil, difficulté 1. Donc bah écoute, tu te faufiles, tu progresses doucement. Tu imagines être un fantôme. Nev. Ben Nev, tu lui as dit que la grue, elle était au plafond sur un rail, centre de contrôle, mais donc j'ai peut-être moyen de pirater le centre de contrôle à distance. Ah bah tu vas faire un test de vigilance, s'il te plaît, rapidement, pour regarder s'il y a effectivement de quoi avoir un panneau de contrôle accessible à pirater. Hop, tu en trouves un. Tu trouves un panneau de contrôle qui est non loin, donc tu te rapproches, tu le déverrouilles. Et au prochain tour, tu pourras tenter effectivement de le pirater. Ah, t'as passé ton temps à faire sauter les petites vis et à tout préparer. Alors, c'est à nos amis mercenaires. Quant à eux, ils vont vous tirer dessus. Donc, il y en a un, effectivement, qui, à l'aide d'une action simple, va se déplacer. Donc, il est complètement à découvert pour éviter que la grenade lui pète dessus. Ouais. Et après, ils vont vous tirer les deux avec arme d'épaule. Hop, donc un seul tir et c'est largement échoué. Donc il y en a un qui tire sur toi, Harold, puisque visiblement tu n'étais pas aussi discret que tu l'imaginais. Cependant, bah, les rayons te frôlent, tu te jettes à moitié au sol. Quant à toi, Belette, bah écoute, derrière ton couvert se fait griller, se fait complètement griller, mais tout va bien en ce qui te concerne. C'est le tout reste ce que vous bannières. Avez Le reste des bagnards, en fait, se précipitent de manière plus ou moins désordonnée. Donc, sauf, effectivement, les deux qui ont récupéré des fusils, qui vont tirer tout doucement. Bon, voilà, et ça tire un petit peu, ça touche pas grand-chose. Mais il y a des rayons laser qui surgissent de droite et de gauche. Des tirs de barrage, quoi. C'est ça. C'est de nouveau c'est à vous. Bien aussi. Bah moi je vais du coup est-ce que là le truc explose normalement à ce moment-là. La grenade a pété, ça a fait un peu de lumière, ça a rien fait de plus, ça a fait du bruit surtout, mais ça a touché personne. Ok, bah du coup j'en profite directement pour tirer sur celui qui s'était enlevé du couvert, du fait qu'il s'était déplacé pour éviter l'explosion, et donc je lui tire directement dessus. Très bien, alors par rapport à tes actions, donc tirer c'est une action complexe. Si tu le souhaites, tu peux utiliser une action simple pour prendre le temps de viser, ce qui te permet de rajouter un dé à ton total. Eh bien, effectivement, je peux tout à fait rajouter ça. Voilà. C'est aussi une action qui peut s'utiliser quand vous êtes en combat à bord de votre vaisseau spatial, au canon, des tourelles. Vous pouvez prendre une action simple pour viser aussi quand vous serez en vaisseau. Alors, du coup, dé supplémentaire, je marque 1, c'est ça? Exactement. Et là, t'as rien à me donner, c'est juste que tu dis une action simple pour viser, une action complexe pour tirer, et il te restera derrière une simple pour faire un petit déplacement ou rester, peu importe. Arme d'épaule, c'est parti. Oh, cette brouette de dés. Donc 4 avec la pénombre, ça fait 2 excédentaires. Voilà, et bah écoute, tu envoies un tir bien placé et il s'effondre complètement au sol. Quand vous avez besoin d'un tir, c'est Belette. Un tir, un mort. C'est ça. Donc dans mon équipement, j'ai fait 6 tirs, donc j'enlève 4. J'enlève 6, moi, je continue de progresser hein, à couvert pour pouvoir en choper en mêlée. Hein. Ok. Bah écoute, si tu veux, tu peux tenter une charge, donc une course pour sauter sur le dernier. Donc tu vas faire un test de mêlée en opposition. Hop, puisque tu vois le dernier mercenaire. Ah ouais, c'est stylé. Faire ça. Oh là là, mais je fais pas les jets fous en mêlée. Hein, Bah écoute, tu cours. Ah bah. Ouais. Tu cours en direction du dernier mercenaire. Tu te déplaces tel une panthère et quand tu lui sautes dessus, poignard dans les dents, bah il a le temps en fait de te voir arriver avec directement un gros coup d'épaule en fait. Il te reprojette au sol à côté de lui. Donc vous êtes engagé en mêlée. Mais du coup, tu prends 2 L. Ok. Voilà, tu as sauté dessus, mais il a repoussé ta charge. Hein, tout il est rouillé le Bart, il est brouillé. Ah ouais, attends. On reprend l'entraînement. J'ai été molesté là. j'ai pas mon sabre, c'est pour ça. Ah, mais t'inquiète, on va le trouver. Harold. Je laissais peut-être agir. Never again. Ouais, Nev. Ingénierie. Ingénierie, c'est parti. Allez. Et il faudra me dire ce que tu as envie de saboter. Et je réfléchis justement, parce que vu qu'il ne reste plus qu'un bonhomme. Après, le centre de contrôle est fermé à clé, et avec du personnel d'ingénierie à l'intérieur, c'est ça? Il y a les mécanos à l'intérieur, il est très fort probable qu'ils soient enfermés. E2F, comme toujours, et c'est encore une fois, le matos n'est pas bon. Ah. Donc, tu pourras continuer au prochain tour pour saboter ce que tu as envie de saboter. Donc il te reste 2 succès à obtenir pour avoir le total de 3 sur ce type de test. Par rapport à... Ça demande que 3 succès parce que c'est pas un système très complexe, mais si vous êtes dans d'autres endroits, il pourrait y avoir 5, 6, 8 succès. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Ok. Harold. Bah, je vois qu'on me tire dessus, donc moi ce que je sais c'est que je bifurque vers un autre conteneur et pour essayer de passer discrètement en fait jusqu'au centre de contrôle quoi. Ok, bah écoute tu te déplaces au maximum, tu arrives au prochain tour, tu vas être en bas de l'escalier du centre de contrôle, donc tu pourras avoir en courant complètement en fait atteindre la porte vers Le centre de contrôle, les panneaux de, les panneaux électriques, électroniques. Le dernier mercenaire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, écoute, tu vois qu'il fait une espèce de manœuvre de désengagement. Bart, il fait une espèce de petit bond en arrière. Et comme c'est quelqu'un qui est bien payé, maintenant que tu es tout près de lui, hop, attends, il va faire son truc quand même parce qu'il faudrait pas qu'il se loupe. Ouais, très bien. Donc il fait une espèce de manœuvre de désengagement, ce qui lui permet en fait d'être à peu près à 3 mètres de toi et de te balancer une rafale à courte portée. Aïe. Aïe. Donc malheureusement, dans ce genre de situation, vu qu'il s'est suffisamment éloigné, tu peux pas te défendre avec mêlée. Tu peux, si tu veux, penser que vous avez utilisé des points de panache, qui peut vous permettre des fois de faire des petites actions d'éclat, de sortir de l'honneur, de changer les choses. Donc, par exemple, ce qu'il est possible d'imaginer, c'est de dépenser un point de panache et de faire un test de tactique pour essayer de te jeter aléatoirement sur un côté pour en prendre moins plein la gueule. Ça peut être un exemple d'utilisation. Dans tous les cas, quant à lui, vu que c'est corps à corps, enfin vu que c'est courte portée, il a besoin que de un succès, heureusement. Sinon, il était mal. Et là, en l'occurrence, il te fait que 3 graves. Donc avec ton gilet c'est réduit à L, donc tu vas prendre 3 dégâts légers. Donc ou tu bien tu restes là où tu es, et au prochain tour tu pourras avancer avec une action simple, regagner le corps à corps et le taper. Ou bien t'essayes de sauter sur un côté. On encaisse. Très bien, eh ben, écoute. Dessus. Voilà. Voilà, tu subis 3 dégâts légers, donc avec la protection de ton gilet, hein. C'est du grave mais c'est réduit de 1 niveau, ouais, parce que le gilet protège de 1. Et c'est ensuite au bagnard qui court un peu dans tous les sens. Ouais. Tu prends quelques tirs, mais ton gilet résiste. Et c'est de nouveau à toi, Bart. Ah bah, je vais lui sauter dessus, hein, en mêlée. Hein. Allez, prends ta revanche. Ah, il est vénère, mieux, Bart, là. Il est vénère, là. Oh, ouais. Aïe. Hop. Je suis mal pour lui, hein. Moi aussi. Donc ça fait 6 succès en tout. C'est un, ouais. PMF, c'est un PMF mineur que tu as, il me semble, comme t'es gaucher. Ah oui, c'est qu'un seul, donc 5, voilà. Pardon. Oui, voilà, 5. Là c'est sur, sur les G, c'est forcément les grands, donc ça fait que 5. Donc il y a une seule, tu relances qu'un seul dé en fait à chaque fois. Ah ouais, ouais, ça donc, du coup la macro est mal fichue, ouais, ok. Ouais, donc idéalement, ce qu'on va faire, quoi qu'il arrive, c'est quand c'est le mineur, on gardera que le premier score, peu importe l'autre, dans l'ordre qu'ils apparaissent. Ouais, donc du coup ça fait 4. Ok, ça voilà. Marche. Donc 1, ça fait 3. Tu lui infliges 3 L. Vu qu'il a un gilet de L, ça passe à superficiel, ça réduit toujours. Ouais, donc ouais. Là, cette fois-ci, écoute, lui, il a l'air bien équipé comme il faut. C'est pareil, comme tu as encaissé sa rafale, il encaisse son petit coup de poignard. Belette, que fais-tu? Donc je peux plus tirer sur le garde parce que Bart s'est rapproché. Du coup, ben, je vais. Tu peux. Si t'as envie, tu peux utiliser ton aptitude de sniper. Alors, pour rappel, vous avez chacun une aptitude d'archétype. Et ouais. La tienne, toi, t'as choisi de garder sniper. Donc, tu peux dépenser ton point de panache. Parce que vous en avez un au début de l'aventure. Tu peux utiliser ton point de panache en fait, pour viser en fait, un ennemi, un PNJ spécifique, même dans un groupe compact. Donc, même si le corps à corps, toi, tu mets ton point de panache et ça te permet de le toucher spécifiquement sans avoir de problématique de dommage collatéral ou quoi que ce soit. Et ben, allez, c'est parti. Je fais allez. Ça. Donc, tu dépenses ton point de panache, tu n'en auras plus pour l'instant, et tu fais ton tir sans aucun malus directement comme il faut pour les détails supplémentaires. Donc, est-ce que là, du coup, je peux aussi utiliser ma visée? Enfin, tu sais, prends un temps de visée pour rajouter un dé ou pas? Oui, si tu veux, oui. Eh ben, écoute, là, voilà. Donc t'as aucun malus, ça t'enlève tous les malus et ça te permet de shooter quelqu'un dans un groupe. Donc c'est. Oh, pas fou. C'est pas fou. Hein. Ouais. C'est pas fou. Eh bah ben, écoute, ça tire à côté. Ah mais... merde. Ça a traversé la mêlée. J'ai quand même eu peur de toucher mon camarade, donc ça m'a troublé. Allez Nef, tu veux terminer ce sabotage? Oui, c'est parti. Y arriver cette fois-ci quand même. Waouh, décidément, pas top. Donc 2 E2F, c'est ça hein. Ouais, tout à fait. Exact. Il t'en suffit de deux supplémentaires. Bah super. Alors qu'est-ce que tu as voulu saboter? Mais en fait, vu que là on a l'avantage, là, Harold il approche de la porte, elle est fermée, il pourra pas l'ouvrir, il pourra rien faire. Ah bah si c'est fermé, il pourra pas l'ouvrir. Non mais je veux dire, avec le code ça marchera pas quoi. Il faut. Parce que s'il y a les mécanos qui se sont mis dedans, il faut la déverrouiller. Je vais essayer de la pirater. Si je peux, j'essaye de la pirater à distance. Enfin, pas de l'ouvrir, hein, mais de la déverrouiller pour qu'elle puisse, s'ouvrir. Super. Bah écoute, Harold, toi qui es arrivé en bas des escaliers, t'entends un tout petit bip et quand tu lèves la tête, tu vois le clignotant lumineux de la porte de la salle de contrôle, en fait, qui passe du rouge au vert. Ah, parfait. Pratique. La porte a eu peur de toi. Bon, ben je m'engouffre dedans, ben, du coup je passe mon tour à Versailles et puis voilà. Et quoi, quand tu arrives en... Alors, donc, ton action complexe te permet de monter, tu vas courir, okay. Il va te rester deux actions simples, donc il y en a une avec laquelle, par exemple, tu peux ouvrir la porte. Mm-hmm. Et une action simple, ça te permet pas forcément de parler de quoi que ce soit, mais tu peux avec une action simple juste, par exemple, pointer, menacer les gens qui sont à l'intérieur. Tu pourras pas faire de test d'intimidation, okay. Mais tu peux juste les pointer, juste par exemple. Ouais, bah, je fais ça, alors. Parfait. Voilà, bah, tu pointes à peu près, une quinzaine de mécanos. Donc pareil, donc faut imaginer pareil, des gens qui sont en habit avec des salopettes, des casques jaunes, etc. Sauf que les casques sont verts, puisque la VR, c'est la couleur corporate de l'OCG. Donc c'est du vert au lieu du jaune, mais voilà. C'est des employés qui sont là, plus ou moins terrorisés de ce qui est en train de se passer. Et assez proscrits, ils étaient excités, certains comme des fous sur les panneaux de contrôle en essayant de contrer l'ouverture de la porte, mais ça n'a pas marché. Donc la plupart lèvent les mains en l'air, se prostrent, disent « Nous tuez pas, je suis pas payé pour ça, non, je viens d'avoir ma promotion, ils vont me virer, c'est pas possible. » C'est parfait ça. C'est ensuite à Ramos, le mercenaire survivant, qui en a vraiment marre. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la situation est vraiment pourrie. Il va retenter sa manœuvre. Parce qu'il a que ça à faire. Il a que ça à faire, lui, de toute façon. Donc, il va essayer de... Donc, ce qu'il fait... Non, il va faire autre chose. Il se désengage complètement. Donc, au lieu de rester au corps à corps avec toi, en fait, il décide de prendre tout son tour pour tout simplement sortir du corps à corps de manière plutôt sécuritaire et s'éloigner. Donc, il va se cacher. Donc, il va courir pour essayer de passer à l'angle d'un conteneur. Voilà. Donc, tu as plus la visu sur lui, Bart. Par contre, toi, Belette, ouais. Tu le vois de l'autre côté de son conteneur où il s'est planqué, quoi. Ok, c'est parfait pour moi. C'est à toi. Vas-y, hein. Ok, c'est à moi de... Finish him. Allez, c'est parti. Donc, je vise, évidemment, avec une action simple. Et je tire. Difficulté 3, difficulté 5, ça fait 2 excédentaires. On est à 4G. Bah écoute, par rapport à la santé qui lui est restée, il s'effondre au sol. Ah, tu t'entends crier, vous entendez crier, Belette. Hein. Liberté. Écoute, il y a un tas de prisonniers qui se mettent à crier de joie aussi. Les mécanos sont complètement rendus. Il n'y a plus aucun bruit dans l'entrepôt à part celui du vent qui souffle à l'extérieur de la mine. Les survivants ont levé les mains et vous êtes désormais les maîtres de la mine. Donc vous avez les deux Atmo 412 qui trônent dans le hangar à côté des conteneurs. Et bien évidemment, bah les prisonniers, les autres bagnards, donc les plus hardis d'entre eux, ont commencé à essayer de fouiller. Certains sont entrés dans les vestiaires, très certainement au niveau de la salle des scellés. On prend nos affaires et on se casse. On va aller récupérer nos affaires, hein. Je dis à tous les gars qui sont dans la salle de contrôle d'aller dans la salle du hangar principal et de faire fissa, sinon... S'ils veulent pas recevoir une balle entre les deux yeux. Okay. Qui redescendent même, hein. Qui redescendent. Tout le monde s'est regroupé dans le hangar. Ils sont tous regroupés dans le grand hangar. Y a pas de souci. Donc moi, du coup, je me rééquipe de mes affaires à moi, quitte à même reprendre mes armes, si ils ont été mises là ou pas, enfin tout ce qui m'appartenait en fait, et qui est encore là, je le récupère. Donc s'il y a mon chapeau, tout. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier chez toi, Belette. En ce qui concerne vos équipements, hop, voilà. Donc sur ce que vous avez en fait sur dans vos équipements, sur les feuilles, sur le drive, c'est le même, il me semble, hein, qu'il y a sur Let's Roll. C'est exactement ce qui vous reste. C'est-à-dire que tout l'équipement que vous pouviez posséder, en plus, c'est-à-dire que je me souviens que tu avais un catching, un via plasma par exemple, Belette. Voilà, tout ça en fait, ça a disparu. Donc c'est soit que c'était de l'équipement qui avait de la valeur, donc les gens, il y a quelqu'un qui l'a piqué pour le revendre, se faire des crédits, etc. Donc la seule chose qui vous reste, c'est ce qui est écrit dans vos équipements. Donc ne vous posez pas la question, Bart, je pense à toi aussi, s'il y a quelque chose qui a disparu par exemple, c'est tout simplement que ça a été revendu. Ça a été pris et revendu parce que il faut supporter le coût des prisonniers. Je veux dire, vous coûtez des crédits, il faut vous nourrir, il faut vous payer de nouveaux uniformes, etc. Il faut racheter des pioches quand vous les cassez. Donc, il faut bien prendre cet argent quelque part. Ah ouais, moi, il n'y a que le communicateur, finalement. Voilà. Sinon, vous retrouvez toutes et tous vos équipements. Ah bah okay. Du coup, j'en profite pour sortir un cigare et puis et m'allumer. Voilà. Bon, ben on se barre avant que cette putain de tempête arrive. Vite! Il faut qu'on voit pour les autres prisonniers. Est-ce qu'on peut transporter les prisonniers dans des conteneurs? Ouais, c'est ce que je pensais. Eh ben écoute, Belette, tu as bien fait de parler de ça, puisque vous entendez tous un espèce de grondement sourd à l'extérieur. Très certainement que la tempête se rapproche. Et la météorologie n'étant pas une science exacte, et il est peut-être même possible qu'elle soit quasiment déjà là. Putain, alors, vite. Je vais vous rendre tous les dés de Metal Factor. Voilà, je vous les rends tous. Comme ça, cool. Je peux vous dire que la tempête est là. Vous n'avez donc pas de temps de réflexion. En tout cas, voilà, vous avez juste quelques minutes pour vous préparer, pour choisir quoi faire, le temps de prendre des décisions par rapport et aux prisonniers qui vous accompagnent. Et aux mécanos qui sont là, comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous n'allez pas faire. De mémoire, parce que ça vous en souvenez très bien, quand vous êtes arrivé ici, vous n'étiez pas dans le poste de pilotage des Atmos, mais vous étiez tout simplement dans des conteneurs climatisés, comme il y en a. Voilà. Donc vous avez des conteneurs climatisés si vous voulez faire du transport de personnel, et après il faudra sauter dans les Atmos et se barrer. Alors ça se conduit avec pilotage véhicule aérien. Harold, ça il sait le piloter. Et vous avez de la chance, à peu près, vous avez de la chance parce que un des deux contrebandiers sont des contrebandiers, donc ils s'appellent Jerry et Tom, les deux qui sont équipés. Il y en a un qui maîtrise aussi ce genre de pilotage. Okay, donc, un dans chaque. On va préparer deux conteneurs Atmo, un que nous on va embarquer et puis l'autre qui va être embarqué par le deuxième vaisseau. C'est-à-dire tous ceux qui veulent être des pirates. Avec nous, les autres, on est avec les contrebandiers. Puis voilà, ils se décideront et puis bah, nous on monte dans l'Atmo. Hein. On monte tous les quatre dans. Parce que tu avais dit le poste de pilotage, on pouvait être à 4, donc on va monter à 4 dans le poste de pilotage. Hein. Tout à fait. Ok. Ah bah écoute, sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, Bart. Tu vas pouvoir faire un test si tu as envie de commandement. Hop. Oh, il commande, Bart. Il commande. 5 succès. Attends, là, c'est mon domaine. écoute, il y a 4 entre salaryman, woman, peu importe, hein, homme-femme, ça n'a pas de différence de sexe dans Metal Adventure. Donc, y a 4 personnes qui vont monter dans le conteneur derrière vous. Et tout le reste vont rejoindre les contrebandiers parce qu'ils ils estiment très certainement que la vie de pirate est beaucoup trop dangereuse et qu'ils vont réussir à se rendre discret, à retrouver une petite vie au sein de l'OCG peut-être. Voilà. C'est leur choix. Allez Harold, on se barre. Harold. Attendez. Et vous me voyez que j'étais en train de fouiller, moi, les autres gardes, là, qui avaient l'air un peu plus prestigieux que les autres. Attendez, oui, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, on se casse. Tu prends les commandes. Tu trouves rien de particulier. Si tu veux, tu as pu récupérer une cinquantaine de crédits. Ok, parfait. Tu as pu faire quelques poches. Voilà, il y en avait un qui avait un jeu de cartes. Voilà, un jeu de cartes, pareil, encore un ou deux paquets de clopes. Et peut-être ça me reviendra. Un magazine sur les armes. Le plus connu en fait de Metal Adventure, je vous redirai ça dans 2 minutes quand ça me reviendra. Parce que dans l'immédiat, avant de décoller, ça quand même, vous savez bien que on ne décolle pas n'importe comment, surtout quand on est pirate, encore moins quand on est un pirate digne de ce nom. Exactement. Donc, comment est-ce que vous comptez partir? Donc, vous allez ouvrir depuis le centre de contrôle les énormes portes blindées, bien évidemment, de la station, pour avoir une merveilleuse vision de l'extérieur, puisque vous êtes maintenant hors de la mine. Donc, le paysage gelé d'Aldena. Vous voyez la tempête qui s'approche, vous allez décoller et elle va vous frôler les fesses. Vous avez pu charger effectivement les conteneurs avec d'anciens prisonniers. Maintenant, si vous le souhaitez, il y a de la place sur votre Atmo pour charger 2 conteneurs supplémentaires avec du minerai, avec des cristaux. Oh bah oui, tant qu'à faire. Ouais, ça se vendra, je pense. On trouvera bien quelqu'un qui les achète. Voilà, ça prendra pas plus de temps. Alors pour info, comme c'est des cristaux non raffinés, etc., c'est 1000 creds par conteneur, donc à la tonne, quoi. Ah. Ouais. Déjà ça, hein. Voilà. Pour de se refaire. Une petite compensation. Voilà. Peut-être que bon, on va pas aller faire de la piraterie avec un Atmo, hein. Ouais, il va nous falloir un vaisseau, hein. Et pendant ce temps-là, Harold, tu peux faire un test de navigation, puisque de ton côté, au poste de pilotage, tu as commencé à regarder effectivement les différents cadrans pour t'orienter en direction de l'astroport d'Aldena, puisqu'il faut le localiser pour savoir où il est. Donc tu as commencé à réfléchir à la meilleure route possible afin d'éviter la tempête qui se rapproche. Donc, navigation difficulté 3. Ok, attendez, je connais pas trop celui-là. J'appuie sur ce bouton. Ah. Ok. Donc, ça prend un peu de temps. Le temps de te repérer et de tracer les coordonnées pour les enregistrer. Ça prend un peu plus de temps que prévu, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une difficulté qui va augmenter de 1 point, tout simplement, pour pouvoir gérer la tempête. Est-ce que je peux lui donner le bonus avec commandement, moi, du coup? Bah, vous étiez en train de charger, d'organiser derrière. Ouais. Vous faites tout ça à peu près en même temps. D'accord. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai eu le temps de vérifier un peu si les appareils étaient en bon état, lequel était en meilleur état et tout, pour qu'on puisse... C'est similaire. Oh, ouais, c'était relativement en bon état. De toute façon, voilà, il n'y a pas de... Il n'y en avait pas un qui offre un bonus particulier en termes de pilotage. Voilà. Donc, vous décollez dans le hangar et vous glissez par la porte pour vous élancer au-dessus des plaines glacées d'Aldena. Derrière vous, la mine rétrécit à vue d'œil. Cet énorme bunker de 500 mètres de long à moitié enterré dans la neige, hein, il disparaît. Et derrière, loin, mais peut-être pas tant que ça, vous voyez un immense mur blanc, le mur de la tempête de neige, qui fonce à toute allure dans votre direction. Alors, mets la gomme. Exactement. Gaz. Je vais vous demander, afin de pouvoir échapper à la tempête, un premier test de senseur afin de pouvoir conserver vos appareils en bonne disposition et pas qu'ils soient complètement brouillés, ce qui risquerait de perturber votre voyage. Belette ou Neve, il me semble que c'était que j'étais pas trop mauvais au senseur. Alors le senseur, c'était, je sais plus. Perception. Oui, senseur. Senseur, c'est dans perception. Moi, j'ai 3 plus 6. 3 plus 6. C'est toi alors. Bah, fais-le alors, c'est toi l'essentiel. C'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais, tu prends ton score tout à droite. Au total, t'es à 6, de toute 6. Façon. Et après, en vaisseau, ça ne marchera pas parce que toi, tu seras dans la salle des machines. Ah ouais. Donc là, je peux, donc je le fais. Hein. Ouais, tout à fait. C'est parti. Ah bah, ça vaut le coup que tu le fasses. Hein. Bah, super. Ah bah, oui, hein. Bah, très bien. Alors, ça te permet d'avoir ça. Donc moi, je me fais juste une note. Donc t'as un bonus de... Donc ça a annulé le malus précédent. C'est très bien. Et enfin, il nous faut un test de Harold. On va tester ses talents de pilote. Donc pilote véhicule aérien. Sauve-nous. Difficulté allez, Harold. Mais regardez, je vais y arriver. Oui, c'est... Non. Ou pas. Ah, je suis pas chanceux aujourd'hui. Hein. Bah écoute, vous avancez à travers, alors que la tempête se rapproche, et alors que vous traversez des paysages complètement utopiques, gelés, avec des énormes pyramides de glace, tout est complètement congelé, battu par les vents, votre convoi commence assez rapidement, mine de rien, à être entouré, à être pris par la tempête. Sors-nous de là, messieurs, vous êtes complètement dans la tempête, il y a des arcs électriques qui commencent à se former. Oh punaise. On peut pas larguer un des containers pour dire de gagner de la vitesse pour se sortir de là. Vous pouvez larguer un conteneur, celui avec vos compagnons dedans. Non, le dernier. Donc c'est mauvais bouton, mauvais bouton. Oups. Bah écoutez, vous larguez un conteneur. Tu peux retester ton test de véhicule aérien, s'il te plaît, Harold. Pouf. Wow. Oh, mais bah décidément, non, c'est nul à chier. Ouais. C'est quoi ce pilote de merde? Vous voyez quand même qu'il est vachement éreinté par toutes ces semaines passées ici. Il a maigri, les joues sont creuses, il a des grosses cernes, donc on dirait qu'il a très mal vécu le fait d'être là. Est-ce que je peux, en ingénierie, tester quelque chose, essayer d'améliorer le... Rien du tout. Comme tu vois, comme tu peux voir sur l'illustration de l'Atmo, il y a juste un poste de pilotage, hein, donc il n'y a pas de machinerie particulière, vous n'êtes pas dessus. Il faut juste serrer les fesses. C'est ça. Il y a quelqu'un en commande. Il y a le poste de contrôle, donc quelqu'un peut s'occuper de faire effectivement des senseurs, la vigie à côté sans bloquer la personne qui est aux commandes, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire là-dedans. D'accord. Et tu peux, si tu veux, essayer de saboter les systèmes électroniques pour accéder à la propulsion ou ce genre de choses, à tes risques et périls. Ouais. Mais sauf, ça va s'arrêter d'un coup. On va s'arrêter d'un coup. Effectivement. Ah, mais allez, Harold, merde, fais pas chier, mets les gommes là, merde. J'ai envie de crever maintenant. Hein. Mais c'est ton job. Dans un organe de niveau 7. Hein. C'est ton job, allez. Le véhicule est déporté par les vents. Il se fait balloter. Vous avez un éclair qui vient frapper le côté du cockpit, qui vient fendre une partie de la verrière. Il va falloir commencer un test de vigie, un test de sensor pour anticiper les courants aériens. Allez, vas-y. Et essayer de vous dépatouiller, de vous sortir de là. Ah. Neb, un autre. Allez, un autre bon. Difficulté 1. Donc difficulté 1, ça fait 3 excédentaires. Ouais. Et un test, encore une fois, de pilotage aérien pour manœuvrer le véhicule dans tout ce bordel, parce que c'est excessivement difficile. Hein. Le truc est balloté dans tous les sens. Allez, vas-y, Harold, on a confiance. Et Bart, il peut pas le motiver un peu, là? Il n'a pas un discours d'encouragement? Si, tu peux faire un test. Tu peux le motiver vu que tu es à côté de lui, donc tu fais un test de commandement. Oui. Allez, Bart. C'est toi, le capitaine. Bart, tu transpires. 4 succès. Donc ça fait 3 excédentaires, donc tu gagnes 3 des bonus à ton test. Oh, punaise, on a dû faire le début, ça. Allez, vas-y, Harold, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Comment je rajoute les 3 excédentaires sur la fiche? Alors, avant de faire ton GD... Voilà, juste au-dessus, il y a des supplémentaires, tu mets 3 et tu fais ton jeu normalement. Ok, mais je sens sa grosse main se poser sur moi. Je dis, oh non, ils vont me taper, ils vont me casser la gueule si je fais rien. Voilà. Alors, ça vous fait un total de 4 succès. Donc, c'était difficulté 3, ça fait 1 excédentaire, plus les 3 excédentaires de Neve, ça fait un total de 4 sur ce protocole-là. Donc, en fait, comment ça se passe quand il y a des différents périls en vaisseau, donc il y a des protocoles à suivre. Donc vous faites un ensemble de jets de dés en commun et ça vous donne un total de succès excédentaires globaux. Donc là vous avez 4 succès excédentaires globaux. Ok. Par rapport à ces 4 succès, moi j'ai une table de résultats et en fait je compare vos résultats, donc votre succès de 4 sur une table. Et donc en fonction de là où vous êtes, ça me donne un résultat et là c'est le véhicule est secoué par les vents. Donc ça avance, mais ça avance quand même. Donc difficilement, mais c'est pas mal. Donc on est plutôt bien. Hop. Moi je vais récupérer un petit peu de DMF avec ça. Vous avancez et, messieurs, alors que la tempête fait rage, vous commencez à vous en extraire et vous voyez au loin un dôme de verre